En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 18 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. On est éliminés. Ouais, terminé. L'élément de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Cromp, le numéro 98, Alex Galipo, et le numéro 31, JF Mallette. Yeah. Hey. Yeah. Et commençons un podcast à trois comme ça, en désavantage numérique, un jeudi soir à 7h15. Ben, on vous explique ça dans l'avant-match. Ouais, fait que le Canadien s'est fait éliminer beaucoup plus tôt que prévu, selon nos dires à nous autres. Fait que, ça a fait qu'il faut faire un post-mortem plus rapide qu'on pensait. Puis notre horaire était un peu compliqué à s'ajuster. Donc, ce qui va se passer dans notre cas, c'est qu'il va y avoir deux post-mortems, en fait. Un ce soir, on va peut-être plus rapper les playoffs, en fait, du Canadien. Puis le 19 mai, vendredi, dans trois semaines, je pense, il va y avoir un live post-mortem de la saison complète avec Alex, moi, Dave Mart et peut-être mon frère, qu'on sait jamais s'il vient. Mon frère, maybe. Mais je pense qu'il veut venir chialer encore sur Chucky. Ouais, là, ça lui fait plaisir l'autre fois. Il a le droit. Fait que JF peut pas être là, mais on voulait que JF quand même puisse finir sa saison. Là, donc c'est pour ça qu'on fait un podcast ce soir. Là, parce que moi, demain, je suis pas là. Je suis dans un chalet à Tremblant. C'est des affaires Moi, je voulais parler de la série et tout. T'es bon. Fait que, Alex s'est pointé comme un trooper. I'm doing it. Fuck it. Fait que ce soir, ce sera l'épisode 18 et puis le 19 mai, l'épisode 19 pour le 19 mai. Tout fait, là. Ouais. C'est pas rendu à 20. Non, on voulait un petit Canadien. S'il avait fait une ronde de plus, on se rendait au moins maudit. À chaque fois, on est pogné, là. J'avais tapé le 20. Juste dire, on l'a pas dit, je pense encore, mais félicitations au gagnant du pool, Alexandre Girard, qui s'est mérité un beau t-shirt de la soirée du podcast qui devrait recevoir dans quelques jours. Là. Ça a déjà été envoyé. Il a fini deuxième l'année passée, fait que checkez-le, lui. Ouais. Il est bon. Il connaît ça. C'est chouette, à peu près ça. Copie sur lui. Ouais. Au moins, c'est pas les Suisses qui ont gagné cette année. Ouais. On les salue. On les salue. Je sais pas s'il y a de quoi d'autre à dire là, en avant-match, mais je pense pas. Là, après moi, on va aller faire tout de suite la première période. Notamment avec Chris, on n'a rien à dire. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est première période, on va revenir sur la série Canadiens Rangers. Deuxième période, on a des extraits audio qu'on a splittés en deux pour mettre les deux podcasts, dans le fond, sur la conférence de 45 minutes de Bergevin et de Claude Julien. Petit Claude, oui. Ah, petit Claude et sa voix mielleuse. Ouais. Ouais. Puis troisième période, JF va nous donner ses prédictions pour l'année prochaine et puis le travail de Bergevin cet été et de Claude Julien, dans le fond. Puis on va en débattre. Bon, ben, on va plus t'envoyer chier, je pense qu'on va débattre. C'est ouais, c'est correct, ça. As usual. As usual. Comme tu chattes, là, des fois. Oh, tabarnak! Ouais, fuck you! Fait que j'ai rien sur ma feuille. C'est marqué « Retour sur la série Montréal Rangers ben, ». On l'a perdu. La dernière fois qu'on s'est parlé, on venait de gagner la première victoire du Canadien. C'était 1-1. Là, on y croyait. Puis deux jours après, le Canadien a encore gagné. Puis c'était probablement leur meilleur game, en fait, à Game 3 canadien. Ouais. Ils ont dominé tout le long. Hey, là, sky's the limit. On était pour gagner à Montréal. Et on est suivi une course folle vers le bas. Ouais, ça a été de l'estime mal. Une petite chute libre, là. Ben, pas de... Ouais, ça a pas été tout de la mal, mais... Ça a vraiment pas été bon, disons. Ben, je vais partir le bal en disant que j'ai pas été satisfait de l'effort fourni par les joueurs de l'équipe. On peut faire un plus-moins. On peut faire un plus-moins certain, là. Donc, ça partirait le débat. Ouais. Ben, le plus, Lekkonen. Ouais, je pense que ça va... Lekkonen, ben, on peut donner tous les plus, peut-être, de la série, mais Lekkonen, gros plus. Ouais, Lekkonen, Gallagher... Dans le fond, le trio avec Plekanec, c'était le meilleur trio, on s'entend. Oui, effectivement. Puis c'est ça qui est triste, parce que Plekanec, c'est comme un gars de 26 points, puis c'est lui qui t'en donne plus d'un playoff. Fait que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Radu a bien joué en série. Ouais, mais Radu, je trouve que des fois, il pousse un peu, puis ça donne pas grand-chose, mais au moins, il travaille. Quand il devient frustré, il fait plus d'erreurs. Il perd sa game. Il essaie trop, il perd son focus. Il perd le temps des pucks, il commence à perdre ses batailles. Il essaie de faire un petit move de plus, puis oh, là, il se fait pogner. Dano est ordinaire. Il était bon, c'est mis au jeu à la game. Mais il a été ordinaire, mais il a pas été. C'est pas le pire de l'équipe. Non. Je pense qu'il était peut-être pas dans la bonne chaise. Ouais, c'est ça, exact. Ça paraissait, là. Ouais, ça paraissait que c'était pas un centre de premier trio. Là. Ouais. Tu sais, il a commencé la saison à l'aile sur le quatrième trio, puis a fini sa première ligne dans les playoffs. Tu sais, fait que. Lui, il a vraiment fait le contraire que Gatchinga. Ouais, exactement. C'est ouais. le parcours exactement. Contraire, exactement. Parce que sinon, mettons, défensivement, êtes-vous content de la défensive du non. Canadien? À part Weber. Weber et Markov, ils ont fait une bonne job. Ouais, mais... Mais Markov a donné un mauvais but avec son gars qui a dévié le patin. C'était quasiment une bad luck. Ça, c'était le quatrième match. Non, c'est pas vrai. C'est quand la puck était restée pas dans le point, c'était dans le cinquième match. Honnêtement, pour une équipe qu'on est supposé d'avoir tellement de défenseurs puis de profondeur, puis les D, c'est tellement important. T'as vu? Comme Jamie Benn. Jordy Benn, il a quand même été. Non, mais t'as vu ses faiblesses après. Oui, mais c'est. Il n'y a pas d'affaire, sa deuxième paire, là, dans le fond. Là, parce il a que. De la misère, hein, en vitesse, puis quand il fait son pivot. Là, les deux derniers buts gagnants, il était sur la glace, puis il était en grosse partie en erreur. Ouais, là, le il pivot, pas il suivait pas. Là. Ah, quand le gars, il mettait son pivot. Quand il est bon quand le monde dompe la puck. Quand les Rangers ont arrêté de domper la puck, dans le fond de la zone, là ça... puis qu'on décide de challenger les défenseurs, on a vu nos lacunes. Ouais. On les a vus avec Nesterov aussi, nos lacunes. Oh, mais... ça, jamais trop de défenseurs. Pourquoi il est sur la glace, lui, si on n'a jamais trop de défenseurs? C'est des chances que tu prends. Dans le fond, il a misé sur lui à cause que. Il y avait quoi? Il y avait plus d'expérience d'un playoff, Nesterov, que je pense. Ouais, là. Il a misé sur papier, genre, OK, ben, je vais compter sur lui. Ben, en tant que coach, je n'ai pas le choix. Si les deux, tu vois que. Tu sais, Davidson, pendant la saison, il t'a pas donné grand-chose, là, les fois que tu as joué. Là, à la fin, des séries, oui, il a vraiment élevé son jeu. Mais si tu fiais d'un game qu'il a donné pendant la saison, tu n'as pas même le choix de mettre le gars qui avait l'expérience. Les deux, tu n'as pas. C'est ça. Tu dis, ben, prends une chance, lui, au moins, c'est à quoi s'attendre. On avait de la profondeur, mais on n'avait pas nécessairement de la profondeur de luxe. Non, c'est... non. D'après moi, il n'y avait pas personne avec les Ice Caps qui aurait pu faire de meilleur job que ces deux-là. Tu n'as même pas un jeune des Ice Caps aussi. Y a-tu un défenseur qui est proche des Ice Caps? À part, mettons, tu enlèves Jolson et Sergachev qui sont pas là pendant tout. Ben, t'as l'un out. Ouais, mais encore là, tu sais, t'as-tu sûrement tu peux pas l'amener Brett Lernout, là. Non, série de même, il suivra pas à la game. D'après moi, ça aurait été peut-être pire que Davidson et Nesterov, parce que pas d'expérience. Oh, ouais. Davidson, pour de vrai, le sixième match, il a bien joué, je trouve. Pas un gars qui va faire des. Il a pas fait d'erreur, il joue simple. C'est ça. Petrie a fait chier. Il mettra pas dans le trouble. Ah, Petrie, ben. Petrie, dans le fond. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est depuis que Markov s'est blessé que Petrie est devenu un joueur complètement différent. Tu sais, il est tabarnak. Puis pourtant, ce gars-là, c'est peut-être ton troisième défenseur. Ça peut survivre comme un mauvais contrat, ça, là. À date, ça s'en va vers ça, mais j'espère qu'il va rebondir. Dans le premier début de la saison, puis tout, il avait sa meilleure saison. Non, mais c'est ça, mais on dirait que comme le tiers de la saison, il a été super bon, puis après ça, le deux tiers, ça a été de la merde, puis dans les séries, ça s'est pas placé. Ça a été ordinaire, pas de la merde. C'était comme. Il a été plus bas de nos attentes. On s'attendait à plus de ça, plus de stabilité. Puis, Karn, c'était. Quand il jouait avec Beaulieu, c'était n'importe quoi. Ah, mais là. Ah, mais Beaulieu, tu sais, il y a eu. N'importe qui a joué avec Beaulieu cette année. Ça, puis, il y a eu le gros. Sauf Weber. Il y a eu le gros statement. Ben, Weber, c'est Weber. Mais il y a eu le gros statement aussi de Claude Julien de bencher Beaulieu en dernière game. La game la plus importante. Ça vient mettre un X, il est fini avec le Canadien. Parti n'a plus. Ça, c'est. On va la vendre dans les commentaires de Bergevin, là. Mais The Clock is Ticking. Ouais, mais ça, moi, là-dessus, tu sais, comme un moins que je vais donner. Là, ouais. C'est Claude Julien. Vraiment, là, il s'est fait outcoacher par Vigneault. Il a fait plein d'erreurs. Mais pourquoi? Il remanie pas assez vite ses trios. Il coupe pas son banc assez vite. Regardez, là, le quatrième trio en fin de match. Tout le monde l'a vu. Là, on en a reparlé là, vite. Là, mais Galchenyuk, sa dernière mise au jeu de l'année. Hey, Asti, puis Plekanec est au banc. Are you fucking kidding me? Ramenez Flynn. Why? Mets tes meilleures assiettes. Là. Mitchell, il a scoré un but la game d'avant, puis tu l'enlèves. Oh, parce que lui, il a compté un but quand il a remplacé Pacioretty la dernière fois qu'on a fait les séries dans Game 1. Hey, on s'en calisse-tu, là? Ça, c'était weird, là. Mais là, c'est-tu parce que Julien connaît pas encore assez son club et ses joueurs? Je pense qu'il y a eu assez de temps pour connaître son banc, puis tout ça, puis les joueurs, puis les points faibles. Mais pourquoi les tu mets Galchenyuk? Il y a zéro gagné mise au jeu, ce game-là. Zéro! Zéro pas gagné! Il a peut-être voulu, tu sais, mais je sais pas. Ouais, moi, mais c'est pas le temps de partir, gars! peut-être là, que vous gagnez! Voyons donc, Moi, ton caractère, le jeune, avant qu'on se fasse éliminer. Vas-y! Je pense que c'est ça qu'il a fait. Ben oui, mais là, c'est pas le temps de faire ça, esti! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais ça game 1 ou 2? Y a-tu d'autres facteurs qui expliquent pourquoi il a mis lui à place de Plekanec? T'as-tu fatigué? Le trou, elle a-tu juste embarqué? Hey! Ça peut être n'importe quoi, mais. Non, non, il n'y a pas d'excuse. N'importe qui, ça aurait été mieux. Mais tu ne mets pas le gars qui n'a pas gagné une. L'affaire de Claude Julien qui a expliqué qu'est-ce qu'il a fait pendant la fin de la saison, puis un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait avec les assistants. Tu sais, lui, il a juste fait des ajustements. Moi, j'avais comme un morpion un dans chat la gueule. Il a fait de l'année du sommeil réveillé. Il a fait des ajustements au club, mais il n'a pas vraiment mis son empreinte dessus parce qu'il ne pouvait pas tout chambarder depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé tard. Il a eu 20 games, 12, 20. Cool. Non, je sais, mais c'est-tu le temps de changer de système de jeu? Pas système. Pas système. À 180, ben, système. Tu connais les gars qui se t'ont donné. Système ou là, pas, là. C'est oui, Julien, ça part du blâme, mais c'est pas lui, selon moi, qui est là, à blâmer tant que ça. Non, non, il y a une part. Il y a une part, mais j'ai trouvé que les joueurs ne sont pas présentés. On n'a pas compté assez de buts. Ils sont pas présentés. Non, mais les goalers n'ont pas fait la différence. Savais-tu qu'on était en playoff? Ben, ça aussi, on peut en parler. J'ai une question pour vous autres, parce que tu parles de ça. Là. Ah ouais. OK, mettons là qu'on parle de la série au complet du match 1 au match numéro 6. Au niveau de l'effort, mettons, sur 10, tu donnerais combien? 6. 4. Non, je donne les 6. Il y a des games qui ont bien joué. Au début, les trois premières games, on a gagné plus de périodes en tant qu'effort que les Rangers. Mais après ça, la game 5-6. Là. Oh, mais on n'a pas vous avez tous vu la stat, j'imagine, de 6-1 en deuxième période pour les buts. Ah oh, ouais, ouais. On se fait tuer en deuxième période. Non, mais l'effort, ils ont eu de l'effort. Oui, il y a eu des relâchements. Il n'y a pas eu de l'effort soutenu. Mais si on prend période par période, mais semble les quatre premières games, on a gagné. La première période a souvent été la nôtre dans la série. À part la game... Puis la fin de la troisième, souvent aussi, était pas mal la nôtre. La game 2, man. Mais pourquoi c'était pas 60 la game 2, c'était, ça finit 1-1, mais on a scoré le premier but pareil. Ouais, mais on s'est fait ramasser pendant la première période. À un moment donné, ça a tourné, fini 2-1 puis... la première période, la deuxième game? Non, deuxième game, c'est les Rangers qui ont gagné la première. Je pense que c'est... Mais me semble qu'en playoff, moi, je veux voir 60 minutes comme ils jouaient leur troisième période, la 10 minutes qui restaient. Mais c'est ça, il manquait, comme je disais souvent là, sur le chat, il manquait de cœur. Il n'y a pas de cœur. C'est quoi? J'ai compris gaz tantôt que tu as dit. Non, pas de gaz, c'est du cœur, vraiment. Du cœur, man. Mais regarde. Pourquoi? C'est parce que premièrement, mettons qu'on va sur le cas de Pacioretty. Tu as deux façons de voir comment ça a été son rendement. Tu as les stats avancées. T'as les tirs au but. Sauf que, tu sais. Son corsi. Y a-tu, honnêtement, là, Pacioretty, y a-tu des tirs dangereux? Ben non, c'est tous des tirs de merde. T'as beau tirer. Ben, pas tous, mais t'as beau tirer comme un débile au but. C'est pas ça qu'on va faire scorer. C'était pas bien placé. T'as beau tirer. Ben, tu sais, Pacho, il tirait de n'importe où en dernière game. Mais ben, jamais, mettons, dans une zone payante. Non, comme dans l'anglais. En échappé, il a tiré trop vite. Puis le pire, c'est qu'il serait content d'échapper. Là, ça aurait peut-être égalisé la série. Ah ouais, complètement. Ça, c'était pendant le cinquième match. Mais Pacioretty, dans le fond, là, est-ce qu'on peut dire que c'est de sa faute vraiment ou c'est parce que les Rangers ont très bien fait leur job pour le couvrir? Je vais donner la faute. Ça, moi, du couvrage, non. Débrouille-toi. Parce que moi, je pense qu'il y a les deux. Oui, les Rangers ont très bien joué défensivement. Lundqvist était super solide, mais c'est pas juste ça qui a fait. Lundqvist était pas super solide. On manquait de buff en avant. On pour peut-tu faire autre chose que du dump and chase quand on va en attaque? Quoi, c'est ça, Jim? Le dump and chase, ils ont juste fait ça pendant cette game. Ouais, mais on est une équipe de rapidité. Ils gagnaient pas leur bataille. Ils arrivaient le dernier. Ça, c'est le cœur. Mais ce qui arrive aussi, oui, du cœur, parce qu'à un moment donné, il y a comme eu un relâchement à moitié de game, si tu veux, là, mais. Il faut donner crédit aux Rangers. Les défenseurs sont beaucoup plus rapides. Là. Ils allaient tout le temps premier sa rondelle. Ouais, quand on a utilisé notre vitesse, comme dans Game 1 et 2, là, on est capable de patiner. Vu là. La différence. C'est ça, c'est juste qu'on n'était pas capable de là, garder vu le rythme. Là, t'as vu notre forecheck. Ouais, mais... Mais c'était pas soutenu. C'était pas fatigué. Là. Non, c'était pas une fatigue, mais c'est parce qu'à un moment donné, je sais pas, c'est peut-être ça un petit manque de concentration. Ça prend juste une seconde pour dire... C'est manque, gars. On a scoré un but, puis tout, on est correct. Mais on lâche après. C'est moi de voir les gars arrêter de patiner, c'est pas un manque quand, de concentration. Quand c'est on faisait comme, scorer, ah ouais, donne le coup de patin de plus. Ouais. C'est dans la tête. On se faisait scorer un but, tu vois, paf, l'équipe s'effondrait. C'est fini. Ah, fuck, il faut en compter un autre. Là, c'est, vous voyez là que ça. Il égalisait les Rangers. Même si GF était comme, ah, soyez positif, là, ça va bien aller. Là. Mais, c'est à l'équipe qui allait dire ça, c'est pas aux fans. Là. Non, ça c'est sûr, mais dans le fond, moi, est-ce que vous blâmez les fans de Montréal aussi, là, qui est comme... Non, je pense que les fans... Payé assez cher, c'est-tu? Moi, l'affaire d'argent, on a un rôle à jouer quand t'es là-bas, surtout en série, là. Ouais, mais ça devrait pas influencer même temps, ta propre game. Non, c'est pas nous autres qui vont faire la différence. Non. C'est qui a dit que c'était la faute des fans, à un moment donné, c'était tremblé? Après la game numéro 1, toutes les pas mal de journalistes. Ouais, les journalistes que c'était la faute des fans qu'on a perdu la première game. Les fans se sont éteints tout de suite après le premier but. Puis mais ça Chris, pas si le spectacle puis là, ils sont est éliminés, bon, puis là, c'est la faute parce que à l'équipe. Les journalistes, là, moi, ils disaient que les fans avaient une responsabilité. Ben oui, est-ce que tu payes pour aller encourager le club? Je comprends, mais c'est vrai que moi, en tant que fan, je dirais, tu sais, je sais que je suis le 7e joueur. Oui, des fois, ça peut changer. Si tu vois que ton team, mais il perd 1-0 et qu'il se donne pas. C'est dur. Joël Bouchard l'a dit. Des fois, ça peut être juste un petit stick check de plus à cause de la foule se lève. Tu vas donner un stick check puis c'est ça qui va faire une différence. Tu peux faire une différence. C'est-tu 100% nécessaire? Non. Je pense que tu peux. Ça vient-il, la responsabilité vient-il à la foule? Fuck non. Je pense que la foule peut aider dans le déconcentrer l'autre équipe beaucoup, mais tu sais, c'est pas la responsabilité de la foule de le faire non plus. Là. Puis c'est vrai. Puis quand Marc-André Fleury gaulait ici, il capotait quand la foule, parce qu'il disait à chaque fois qu'il attaque quelque chose, il se met tellement à lui que tu penses que peut-être que t'as pas c'est vu quelque ça, chose. C'est ça, puis lui en plus, il est très sensible. C'est pas évident. Là. Ouais. C'est juste que n'importe quel gaulier va dire peut-être que je vois quelque chose que. Peut-être que je t'aurais manqué un joueur qui est libre ou quelque chose que la foule t'aurait de voir. Ouais, ouais. Fait que ça le faisait capoter un peu. Ça l'a pas déconcentré, lui, son gant et sa gourde. Lui, là, la puck, elle tombait tout le temps à terre, mais il y avait tout le temps des retours. Il a échappé. On a juste pas assez gros pour aller chercher la marginette. Un trio qui le faisait, là, c'est le trio Plekanec encore qui font son net. Hey, Gallagher, des coups de bâton, ça aille, qui a mangé. Tu mangeais, lui. Il sort avec le des fois, ça me fâchait parce que je me dis, tabarnak, à un moment donné, là, j'étais pendant le sixième match, il a mangé vraiment là, un cross-check, ça aille, puis l'arbitre les était arbitres à côté. Les arbitres étaient à côté, puis ils faisaient rien, parce que c'est Gallagher. Tu sais, là, vous avez donné vos notes pour l'effort, là. Moi, je pense que l'effort était quand même là. J'irais peut-être autour de ce que tu disais, toi. Mettons, juste pour parler, je mettrais un 7 au niveau de l'effort. Puis la raison aussi, quand on regarde ça, là, c'est il y a eu quoi? Il y a eu 6 games, c'est-à-dire 24 périodes, right, c'est ça? Non, 18. 18 périodes. Je pensais que tu allais dire 240 minutes. Je suis comme, non, mais au niveau c'est des... C'est pas ça non plus. Là, non. C'est 360, mais t'es, au moins tu te rapproches. C'est ça, 360, mais... Honnêtement, on là, pas faire des maths ce soir. Pendant 300, un peu plus que 300 minutes, c'était soit égalité ou à différence d'un but. Fait que, ils nous ont-tu mangé? Je suis pas prêt à le dire parce que quand les même, ça a été serré. Ils ont pu faire la différence, ils l'ont pas fait. Pacioretty en offense, il n'a pas scoré ses buts. Price a pas sauvé un but en arrêt spectaculaire. C'est pas whatever. De sa faute, mais il a pas. Quand tu perds, mais tu sais, sûr que tu perds 2-1. Tu perds par un but. Mais quand il y même, en a un ou deux, s'ils les arrêtaient, ça aurait changé une game. C'est pas un moins parce que je sais, sur le chat, le mot capoté, je dis pas, il t'a blâmé un peu. Il était blâmé un peu. Il tout a le pas monde, volé tout le monde t'a blâmé. Tout le monde. Ouais, ben c'est l'équipe au complet qui a perdu, mais tu sais, dans le fond, ce qui arrive. Les joueurs vedettes sont pas. Tu sais, c'est sûr que Price, mettons, si je regarde, c'est la faute à qui. Là. Price, il est pas dans le top de ma liste. Mais je suis d'accord avec le fait que, tu sais, au niveau de l'attaque, là, tes deux meilleurs joueurs là, à l'attaque l'année passée, c'était Pacioretty puis Galchenyuk. C'était deux marqueurs de 30 buts. Ils ont été invisibles pendant les blessés. On s'est même pas donné une chance de gagner. Puis. La seule façon, ça aurait été que Price en vole un ou deux buts. Dans les games là, de 2-1. C'est ça, les Rangers, il faut leur donner crédit. C'est une c'est bonne poche, équipe. Là. Je sais que c'est pas, je vais pitcher ça sur Price. Mais en même temps, étant le numéro 1 dans le monde, je m'attendais à les estis de buts entre les pads. Ben, là, quand l'un, le gars passait devant le net, là. Ça en est fait compter 3 de même. Ça, c'est ça m'écarte. Le premier but, samedi, ça, je pense, entre les jambes. Tout le temps, man. Mais tu sais, le but de Zuccarello, là, qu'il avait allé regarder comme où c'est qu'il est passé. Fucking nice goal, ça c'est pas de sa faute, man. Il était bien positionné à passer dans une petite crise de trou. Mais celui-là que Nash a coupé en avant du net, asti entre les pads. Puis quand le but que Markov a fait dévier. Rick Nash a fait ce que Pacho aurait dû faire, moi je pense. Parce que Pacioretty, c'est supposé être le même type de joueur-là. C'est juste que. C'est ça, je voulais revenir sur Pacioretty. Tu sais, oui, c'est un gars de 35 buts, mais c'est pas la première fois qu'il fait rien des playoffs. On a une série de la misère. Puis d'après moi. C'est drôle, dans le championnat du monde, tu as de la misère. Ben, je pense pas un crunch. Je pense que Don Toretta, il avait raison. Parce que quand est-ce qu'il a fait, il a commencé sa première ligne dans Team USA, puis il est tombé sa quatrième ligne après. Puis Tortoretta, il a dit. Tortoretta. Il a dit Pacioretty, Chris, c'est. Il a dit que c'était pas le joueur. Que tout le monde pensait, puis que c'est pour ça qu'il est sa quatrième ligne. Tu sais, c'est pas un gamer. Là. C'est il a regardé, puis il a dit voyons non, esti. Ouais, puis, voyons non. C'est la fois, faut le dire. Dans le fond, ouais, 11, 12 fois, je pense. C'est sûr que dans le fond, c'était notre joueur. Fait qu'on a tous dit Toretta, il est fou, esti. Ben, Pacioretty, il a toujours été de même. Ouais, je pense pas que c'est un joueur de game intense. C'est un joueur qui va compter beaucoup de buts, mais quand ça vient que ça compte, c'est pas un joueur qui a le goût de saler le nez. Là, ils vont sortir. Ils vont manger la malle parce que là, ils vont faire ah, ben là, t'as compté des buts juste contre des équipes qui n'étaient pas qualifiées en série. Là, t'as pas été capable de compter pendant la série. Fait que quand ça compte, ou quand tu joues contre une équipe qui ont du talent, t'es pas capable. C'est ça, sa réputation, à date. Puis il n'y a pas rien. rien fait pour changer ça de bord. Là. On y enlève le C. Mais il y a une décision qu'on doit prendre avec Pacioretty parce que c'est sa dernière année de contrat qui est là. Puis l'affaire, c'est que là, je sais qu'il y a du monde qui a parlé, on y enlève-tu le C ou on y laisse? Si tu enlèves le C, faut que lui l'enlève lui-même. Échange-les parce que t'es pas pour enlever le C puis le garder à Montréal, ça va tellement faire du commérage puis de la manche. Donne à Weber. Si tu donnes à Weber. À Weller. Weber. Okay. Tabarnak. Weber. Donne à Weller. Si tu donnes à Weber, je pense que ça passerait. Mais Thornton, ils l'ont enlevé. Je sais, mais c'est parce que, je sais pas, le gars, il a l'air fragile. Fait que si tu enlèves le C en plus... Mais qu'est-ce que tu fais en Canadien si t'es fragile? T'es pas assez masculin, comme dirait Mayu, est-ce-tu? Pacioretty, il a l'air... C'est une fille à maman. Il a perdu sa mère à tous les soirs. J'ai comme l'impression que Mayu avait raison. Il y a peut-être un petit peu de vérité là-dedans, je pense. Parce que, regarde, le gars, est-ce-tu, oublie ça. Là. Puis d'après moi, tu sais, je sais que, tu sais, à TVA, ils ont l'analyse. C'est fou, là. Ben, il dit, le capitaine tente de relancer son équipe en se battant contre ça, on peut en parler? Je pense que c'est plus le fait que VC l'a juste gossé puis il était juste écœuré puis il a pété ailleurs. Il était frustré puis il a voulu relancer l'équipe, mais tabarnak. Non, je pense que c'était un coup selfish plus que d'autres choses parce que VC, il gossait puis il disait tabarnak, là, tu vas fermer ta gueule. D'après moi, il l'a picossé puis c'était que. Ben, c'est pour le vrai, j'ai écouté la game à CBC, moi, puis on dit la même affaire. Que moi ou que toi? Hein? De quelle affaire? La même affaire que TVA. Qu'il y a assez d'arsenal sur l'équipe. Stepping up pour justement montrer. Avec son body language, là, d'après moi, c'était plus un gars qui était cœur. Mais à la fin, quand il était à terre. Puis, mais quand t'es meilleur marqueur de l'équipe, va-t'en pas pour 5 minutes dans la dernière game. C'est pas grave. Ça, je vais le donner, puis c'est en début de game. Ça n'a rien donné, ça. Mais si ça arrêtait une bataille. On s'est pas fait scorer en plus après ça là-dessus. On n'a pas un désavantage. Parce que, non, il ne s'est rien passé. Quand même, c'est pas Pacho que je vais voir se battre. Non, mais l'autre affaire aussi, c'est parce qu'il y a une différence, je pense, entre un combat qui peut comme réveiller le club, puis un combat qui comme sert à rien du tout. Ça, je pense c'est un des combats qui ne servait pas à grand-chose parce que c'était juste le gars qui était écœuré là. Mais si VC, il aurait, mettons, moi, frappé... Moi, j'ai pensé que ça aurait relancé. Pourquoi vous savez pas quelqu'un qui frappe? Ça aurait pu non, mais je te montrer donne un exemple. Le ton de la game. Je sais, même les gars qu'on joue, on joue avec intensité. Ça dépend quel genre de combat que c'est. Mettons que VC aurait donné un coup dans le dos à Marca puis Pacioretty saute dessus pour y péter à gueule. Je pense que ça aurait peut-être plus inspiré le club. Mais que ça aurait fini en scrum. Là, t'avais vraiment un bon. Ben, c'est le capitaine, c'est lui qui jette les gars, puis toi, tu laisses le capitaine s'exprimer, puis dis crisser. Non, mais il n'y aurait pas eu de bataille si ça aurait été dans ce cas-là. Ça aurait été juste sauter dessus avec les gars. Check le combat. Là, une différence, parce qu'il y a eu, deux combats, je pense, en série, c'est pas plus. Ben, le combat de Weber contre JT Miller, là, quand Weber, il a crissé une volée, là, JT Miller, là, il n'y a rien après fait. Il n'y a rien fait de la série. Il n'y a rien fait. Ça a changé le momentum. Rider et tout, ça fait. Tandis que Pacho, c'était plus un règlement de compte parce qu'il était frustré. Mais avez-vous la différence des shots de Pacho par rapport aux shots de Weber, par exemple? Il fait avec Weber, là. Il fait peur, on dirait qu'il veut le tuer. L'angle dans la foule d'un gars qui filmait, là. Et si, boy, il a rendu 2-3 shots, ça a c'est pour ça qu'au sixième match, quand j'ai vu Weber faire un slap shot, puis que Lundqvist, il l'a arrêté, ça me faisait penser au goaler d'Iceland et Mighty Dogs 2, quand il arrête le puck, puis à la main bleue. Là. Fait que je me dis, ouais, on a mal, perdu. Hein, c'est ça, là, je savais qu'on avait perdu. Je dis, hey, Lundqvist, il est dans sa game, oublie ça, on sera pas grave de le percer. Mais qu'est-ce que je trouve shaky pareil? Il a perdu son bâton combien de fois dans la série? Mais Lundqvist, il n'y a pas de style, comme mettons, on a l'habitude de White Price qui a plus son style, puis Roy, mettons, parce papillon. Qu'il bouge, tu vois qu'il est solide, lui. Parce que Lundqvist, il n'y a pas vraiment de style à lui. Il genre, il tient dans le fond de son net puis il est bon dans les pattes. Comme ils ont dit, ben, c'est ça, mais tu sais, c'est pas comme, mettons, tu sais, en tout cas, je trouve qu'il s'est improvisé un peu son affaire. Ouais. Mais Lundqvist, Chris a connu une excellente série, je pense. Il a été fort. C'est à nous de prendre les retours. On l'a pas fait. Il en a donné beaucoup des retours, là, en plus. Puis on n'a jamais été premier sa rondelle pour les récupérer. Non, mais on n'est pas gros. On n'est pas assez gros ça, en avant. Non, ben, ça, c'est la vitesse puis le manque de cœur. Nos petits joueurs, comme le Dumb and Chase. C'est ça. Nos petits joueurs ont eu plus de chances de marquer. Byron et Gallagher, t'as plus dans la merde. Ben, c'est ça. Fait que Pacioretty, ça n'a pas aidé. Charles a manqué à la dernière game. Tu sais... À l'attaque aussi, ça jasait qu'on n'est pas capable de marquer des buts, on n'est pas capable. T'sais, c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts qui sont marqués, mais il n'y a pas eu beaucoup de buts de la part des Rangers non plus. Puis Kreider, il n'y a pas de buts. Stepan, il n'y a rien fait. JT Miller, il n'y a pas de buts. Non, je suis d'accord. Fait que, tu sais, c'est une série qui était chaudement disputée pareil. C'est Radu qui a dit on n'a pas capable de se rendre à Lundqvist. Ouais, c'est vrai. Faites une autre stratégie si vous vous rendez pas. Ah non, mais si, non, ajustez-vous. C'est pas l'autre. Il était souvent en avant du net, mais, en avant, man, il se faisait bâcher bien. Parce que dans le fond, c'est ça. Mettons, t'as la patinoire complète, là. C'est dans les bandes que tu peux passer, mais au centre, oublie ça, c'était bloqué. Il faut sortir l'air de jeu bientôt. Avec les tableaux et tout. Là. Ouais, mais c'est ça, à un moment donné, si on prend des bâtons. Le prochain studio, c'est ça. Des crates axiles. Ils font des ronds. Ouais, c'est des, ça. Des cercles. Des cercles d'affaires. On va vous expliquer ça. Ouais, puis. De toute façon, on va y jouer avec les petits bâtons. Il y a beaucoup de monde aussi qui ont chialé parce que Chucky a commencé sa quatrième ligne, mais est-ce qu'il méritait d'avoir du temps de glace, honnêtement? Non. C'est quand qu'il est revenu, ça à 3? Je pense que c'était au troisième match quand on a gagné 3-1. La première fois qu'il est venu sur la 3, il a bien joué. Après ça, il a crashé. 4, 5, 6, fini. Puis il y a une affaire aussi qu'on a capoté, là, la stat qui a sorti le 7e game. Il y avait zéro mise en échec depuis le début de la série. Hey, ça, c'est un gars qui est tellement impliqué dans sa game. Là. Tab! Hey, 6 matchs. C'est dégueulasse. 5 matchs de série. Zéro mise en échec. Puis t'as joué sur le quatrième trio. Wow, le trio qui faisait le plus de mises en échec. C'est juste ça leur job. What the fuck? Puis il a joué avec Andrew Shaw, hey, qui frappait aussi. C'est là. Un exploit, là, en tant que tel. Ouais, faut qu'elle en faire une. De pas en faire une, c'est un exploit. Tu te dis, tu te caches, man. Ou je sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est ça, mais Chris, faut le faire. Faut que tu te forces à pas en faire une. Ben, c'est ça sur Chucky. Il t'a beau avoir tout le talent du monde si tu fais rien, tabarnak, là, à un moment donné. Si, c'est tout. Patine, puis son temps de réaction est trop lent parce qu'il garde trop souvent la rondelle, puis il a peur, puis c'est fait un revirement. Puis c'est plate parce que le petit sel au banc, là, pour. Ouais, quasiment, mais maniaque, là, toutes ouais. les erreurs qu'on a faites, ça a coûté des buts. T'sais, c'est pas comme mettons. Ah, mais ça, c'est série. Pour n'importe quelle équipe. C'est ça, mais ça, ça fait mal, Esti. Puis si Chucky aurait été le même gars qui était en début de saison, d'après moi, on aurait peut-être été capable de se rendre en 7. Là. Ouais, on aurait gagné plus vite que ça. Ouais. Parce qu'on avait une opportunité cette année, mais tu sais, moi personnellement, je veux pas faire ma langue sale, là, mais je m'attendais pas qu'on se rende jusqu'au bout parce que j'aurais trouvé ça bizarre que Daigneau, Lacroix puis Clément. Mettons qu'on gagne la coupe puis on est pas les autres. Je sais pas. Je trouvais que ça sort pas cette année. Moi, je l'aimerais jusqu'en troisième. On avait une opportunité, mais parce fallait on aurait pu Rangers. Battre les Sénateurs. Ou Boston, on aurait pu les battre. Ben, d'après moi, les Rangers vont manger les Sénateurs, là, d'après moi. Là, parce que les Sénateurs, Chris Carlson, il est magané, puis Method, il est à un doigt de prendre sa retraite. Pendant ça, là, qu'est-ce qui se passe? Subban fait des records d'équipe avec Nashville, tabarnak. Bon, ben, tiens, Nashville, ils ont tellement pas d'histoire. Un but, deux. Ouais, c'est ça. Un but, deux passes hier, il a fait. Là. Ah, Weber, ouais. Jamais fait ça. Mais tu sais, pour le monde qui sont comme Subban. Il joue avec un crissement beaucoup des meilleurs défenseurs qui jouent avec Montréal en ce moment. Yeah. Subban, c'est pas le défenseur numéro 1, c'est le troisième défenseur. Fait que c'est ça en plus. C'est, trois c'est leur Petrie. Fait que c'est ça. Là. Imagine-tu, Carlis, comment ils ont une bonne défense. C'est ça. Ils sont solides, Nashville. Puis check-les les bains des prochaines Irine, années. Irine, c'est un bon goaler. Puis même, je te dirais qu'ils ont beaucoup plus de punch à l'attaque. Je les éliminerai pas pour la Coupe, moi, cette année, les Preds. Ben si écoute. C'est le cas, on prend tout pour une autre équipe sur le Canadien. Dans l'Ouest, je pense qu'ils ont une opportunité. Là. Y a pas, à part les Ducks, il n'y a pas vraiment de club qui peut leur faire peur. Ouais, si les Ducks passent. Les Oilers, j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de vaincre les Ducks parce qu'ils ont gagné les derniers games hier. On a parlé de Champagne un peu avec Alex, là, mais ça sort pas facile qu'on ait Ducks. Là. Je dis, 6-7, c'est fini. T'sais, ben, c'est sûr qu'en 7, ça risque d'être fini. Ah, non, mais je dis 6-7, les Ducks vont gagner. Moi, je pense qu'ils vont se rendre à 8. Puis dans l'Est, dans l'Est, les Rangers ont passé, mais après ça va être probablement Pittsburgh puis Washington. Tu penses que les Rangers ont perdu contre Ottawa? Hey. Non, ils vont perdre la troisième ronde. Pittsburgh, Washington en troisième ronde, ça serait malade. Hein? Non. C'est right now! Right fucking now! C'est les Pens contre les Caps. Mais tu vois que c'est là que le système de playoff est weird un peu. Oh. Ces équipes-là ne devraient pas se rencontrer là. Elles devraient se rencontrer comme juste à la fin. Mais il n'y a pas grand-chose que tu peux faire par contre. Mais c'est une des raisons pourquoi on a affronté les Rangers. Parce qu'on a affronté une équipe qui était plus haut aussi au niveau du classement. C'est comme si on aurait fini, mettons, quatrième puis on joue contre la cinquième équipe. Genre. Tandis que on aurait pu affronter une équipe, mettons, comme Toronto ou peut-être Boston. Boston, mais c'est ouais, l'année des Caps, ça, vraiment. Là, ça cool. C'est l'année à Ovechkin, là. Ben écoute, il n'y a pas oui, le choix parce que encore, tantôt on jasait, ils ont 12 joueurs autonomes. Fait que Chris, ils veulent gagner, c'est là. Oh, c'est bon, OK. Ça va. Ouais, 12 contrats signés cet été. They're fucked. Puis il y en a qui vont coûter cher. Clairement. On va être à suivre cette série-là. Il y avait quelque chose qu'on voulait dire sur la fin des playoffs du Canadien, à part qu'on est déçus. Ben, c'est sûr, on est déçus, mais... Toutes les matchs que j'ai écoutés chez Arcade Montréal, ils ont tous perdu, hostie. Mais au moins... C'est comme chier, ça. On a perdu, mais... Ils m'ont brisé le cœur! Je vois rien de positif. Non, j'ai rien de positif de la série. Je peux pas dire, hey, au moins, le Canadien a pris de l'expérience. Dano a pris de l'expérience. Nos recrues ont pris de l'expérience. On peut pas dire au moins Price a goalé comme des games solides. Non, ça n'a pas été le cas. Mais je suis pas d'accord de dire qu'on s'est fait torcher. On s'est pas fait torcher, mais on s'est pas présenté au niveau qu'on aurait. On n'a pas joué comme une équipe qu'on devrait jouer. Mais oui, parce qu'on s'attendait tout qu'on se rende au moins en deuxième ronde. On s'attendait tout. Je pense qu'on aurait pu se rendre en troisième ronde, mais malheureusement, on s'est fait jouer une vilaine surprise. Puis écoute, les quatre trios des Rangers sont bien équilibrés. Puis leur ligne de centre est beaucoup mieux que la nôtre. Ouais, mais on était meilleur. Sur papier ou sur la glace? Sur la glace. On était meilleurs que les Rangers pendant la série? Non, non. On était meilleurs qu'eux autres. On a fait on a eu une fin de saison qu'eux autres, mais on dirait qu'à Star, la théorie de faut que tu gagnes 10 games en ligne pour t'arriver en playoff, les Rangers étaient pourris avant la fin de la saison. On les shut it down. Si le premier ligne faisait rien, personne faisait rien après ça. Mais on s'est fait compter, on s'est fait casser d'une shot, puis c'est pas revenu. Ils n'ont pas été capables de s'adapter. Ils n'ont pas été capables de jouer du hockey de rattrapage. Exact. Exact. On va aller faire une petite entrée vraiment rapide, puis on vous revient à la deuxième période avec des extraits de Bergevin et de Claude Julien. Nous autres, on en parle beaucoup, là, que genre Chucky puis Beaulieu la poudre. On n'est pas les seuls à dire ça, bizarrement. Attends, t'avais pas parti. Je sais, je suis en avant en période. Là. Ouais, mais c'est... Non, c'est ça, mais là, pour c'est... Pour de vrai, si, il y a autant de monde qui en parle. Il doit y avoir de quoi. Ouais, oui, c'est sûr, parce que c'est... Il y en a quelqu'un qui ont vu. Viral, il y a du monde qui ont vu ces gars-là faire de la poudre. C'est sûr. Puis il y a pas mal du monde qui... Parce que c'est sûr que s'ils font du bang du monde, il y a peut-être quelqu'un qui a une grande gueule, qui va commencer à dire à ben du monde. Ça va s'en... On fait de la poudre avec Chucky, ici. Puis là, on avait des rumeurs, on peut le dire, les rumeurs sur Dernay. Mais faut pas donner nos sources, par exemple. Non. Mais des sources... très crédible et louche à la fois, là, comme le gars qui va changer le percolateur chez Pacio. ça a l'air que Desharnais, tu sais, il y a un programme, le 0.08 que tu peux appeler pour les chars. Ça a l'air que Desharnais, tout le temps dans les top, des calls au 10-30, puis c'était tout le temps bilé aux Canadiens, ça. Ah, oh, ouais? Ouais. Puis ça a l'air... ma source m'a dit qu'il y avait d'autres mondes, genre Markov, mais c'était comme de temps en temps, puis il bilait pas au CH. Fait que probablement que Beaulieu, il s'est fait dire, pas Beaulieu, Desharnais. Toi, check-toi Nesty si tu bois au 10-30 au Balthazar. Hein. Parce que. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est vraiment pas cher. Parce qu'il habite à. Ouais, c'est cheap. Genre quand il est chaud. Millions, ben, la paire de le pire dans tout ça, c'est qu'à pied, là, ça se fait peut-être en 10-15 minutes là, pour se rendre chez eux. Là. T'as un joueur du Canadien, tu ne prendras pas à pied, gars. Ben, paresseux. T'as un joueur du Canadien, vous devez te promener à pied quand t'es chaud, un joueur du Canadien dans le 10-30. Oublie ça. C'est pas moi où on est à voir. À l'heure qu'il rentrait chez eux, mettons qu'il a plus chaud sur la tête. Puis à la grandeur que. À la grandeur que, il a l'air d'un enfant asti qui a dépassé son œuvre. Justement, il va se faire violer. On va commencer la période. On est retour pour la deuxième période. C'est déjà un bout. Ben, je vais le laisser dans l'audio celle-là quand même parce que c'est des faits croustillants du gars qui change le drain français chez Pacho. Le drain français. Pacho va à sa maison. Percolateur, le drain français. Le gars, il fait tout. C'est un homme à tout faire. Bon, on est rendu dans les extraits audio. Fait qu'il y a eu une conférence de presse de 45 minutes de Bergevin et de Claude Julien qui ont hâte de nous dire d'en face que tout va bien puis qu'il n'y a pas de problème. Puis c'était pas du tout... pas de la faute à personne. Tout va bien, puis on veut regarder tout le monde, puis the clock is ticking. Là. Fuckers. Je crois que c'est tanné pour vrai de ça. Ah, j'ai pas par exemple la vidéo de Tony Marinaro. J'aurais dû l'avoir parce que je le callerais en esti celle-là. Ah, je l'avais vu. Il est spécial. Ah, j'ai pas vu. T'as Richard Labbé qui pose une question, puis Tony Marinaro, il est comme en soude de jogging, puis il se met des lunettes fumées dans la foule. Mais c'est parce que c'est arrivé. What c'est the que fuck, Tony venait de poser sa question, puis après ça, il a mis ses lunettes quand il a fini, puis c'était Richard Labbé qui posait la question. Comme poser comme esti que je suis hot, genre. Comme parce que la manière que Tony pose sa question, il a dit: je sais que tu parles pas de signature ou quoi que ce soit, mais je vais te poser une question pareille. Puis là, il parle de Radula, puis ci, puis ça. Puis Benjamin répond comme qu'il répond d'habitude, tu sais. En disant, écoute, il ne signerait pas sur la place publique un gros temps. Après ça, il a mis ses lunettes pour faire son frère. Parce que même Tony, il disait oh, tu vois, ouais, je vais les ramasser. Fait qu'il se pensait. Mais je commence à comprendre pourquoi que des fois, Benjamin, il est cocky que ces estis journalistes n'est pas là, là, qui se pensent plus haut que la game. Tabarnak, là. T'es un journaliste, ta job est garantie par le CH. Fait que, tu sais. Le ton de la conférence de presse, c'était pas bon. Ah, le ton, non. Mais quand même, fais pas ton esti de cocky. T'es pas dans une position de pouvoir. Là. Même si Bergevin, il dit de la crise de marde, mets pas tes lunettes fumées comme hey, check comment je suis hot. Puis. Ben ouais. C'est cave. Bon. Fait que premier extrait de Bergevin, en fait, c'est l'ouverture complètement de. Je vais le mettre un peu plus fort. L'ouverture complète là, de la conférence. Dans le fond, il va parler de la déception. Ça, c'est son texte écrit. Puis avec tous les extraits, on vous demande de... Répondez-nous dans le chat combien de fois qu'il a dit clairement. Clairement, écoute, en effet... puis, clairement, notez-moi clairement chaque fois qu'il dit. Comment il va dire asset aussi? Il est tout. Fait qu'on écoute son intro. Bon, bonjour tout le monde. Je veux mentionner que ce matin, Claude et moi avons rencontré tous les joueurs individuellement, puis on a eu une bonne conversation, puis c'était très productif. Alors, des points importants que je veux mentionner. Pourquoi il dit ça? Première chose, très déçu. de la défaite en première ronde contre les Rangers de New York. On avait des attentes plus élevées. Deuxièmement, une bonne saison dans l'ensemble, mais encore là, ça n'enlève pas notre déception dans les séries. Puis, en amenant Claude ici au mois de février, on a un instructeur qui a beaucoup d'expérience puis qui est ici pour longtemps. Alors, moving forward, aller de l'avant, on va travailler ensemble, Claude et moi, pour revenir fort l'an prochain. Moving c'est forward. Ça. Ah oui, André, tu reviens fort. Fait que dans le fond, là, l'ouverture, il dit qu'il est déçu, puis ça n'était pas c'est ça. Il a raison aussi, parce que oui, c'est vrai qu'on a eu une bonne saison, si on ne se le cachera pas, mais en série, ça a été goût amer. Lamentable. Mais pourquoi tu commences en disant « Aujourd'hui, moi puis Claude, on a eu des meetings avec les joueurs, c'était productif. » On s'en calisse de ça, on est éliminé. Pourquoi tu dis que tu as rencontré tes joueurs? Ben, qu'est-ce qui est ben, dans le fond, c'est qu'est-ce comme évident. Possible, ben, c'est possible parce que dans le fond, il y a eu ce qu'il y avait à dire aux joueurs, puis j'imagine qu'ils ont été satisfait de ce que le joueur a eu comme réaction, ouais, peut-être. C'est sauf que c'est, gros SPR, c'est vrai qu'ils ouais, ont été déçus. Oh, on n'a pas fait notre job. Ben, je pense que c'est plus c'est comme, mettons, une évaluation qu'ils ont faite. C'est comme leur bulletin. Là, comme, mettons, quand tu finis l'école, t'as-tu un A, t'as un B ou un C. Toi, t'es un F. Puis après ça, ils vont dire je m'attends que tu fasses ça, ça, ça. Les dossiers étaient déjà prêts, d'après merci moi. Merci, JF, d'expliquer c'est quoi un bulletin. Oui, merci. Excusez, je me suis laissé emporter. Je le savais, ça. Je suis jamais allé à l'école, moi. Ah, c'est ça qu'ils font. Fuck la colle. Bon, ben, on va y aller dans les autres extraits. Dans le fond, j'en ai six aujourd'hui, dans le fond. Fait que, il va faire son résumé de la série. En fait, moi, la note qui est marquée, c'est aperçu de la série. Fait que, c'est comme un gros ça, c'est melting, son analyse. Melting pot. Melting pot, excellent. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, les séries éliminatoires, c'est une saison complètement différente. Tu peux voir. Merci, Marc. Classement général, on est fini 7e, je crois. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, il y a 4 équipes d'un top 10 qui ne sont plus dans les séries. Alors, quand tu rentres dans les séries éliminatoires, c'est une nouvelle année, puis on le dit toujours. On a pris une équipe qui était point de différence avec nous. Une très bonne équipe de hockey. Alors, on n'a pas perdu contre une mauvaise formation. La marge d'erreur dans les séries est minime. les joueurs ont tout donné. Ils ont vraiment bien travaillé. La compétition est là. J'ai aucune déception du côté de comment que les joueurs sont donnés. Déçu des résultats, oui. Mais pas de la façon qu'on a compétitionné. Puis, à la fin de la journée, c'est ça qui compte le plus. Je suis au courant de ça, mais faut prendre un pas de recul, puis être calme, puis évaluer la situation sans prendre des décisions à coup de tête. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas prendre des décisions en fou, puis prendre un recul. Mais par contre, tu ne peux pas dire tout le monde a bien joué. Il n'y a pas le choix de dire ça. Non, tu peux pas. Il peut dire que j'ai vraiment été déçu de l'effort des gars qui ont donné. Ben non, mais c'est parce que ça n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Pourquoi le problème de dire ça? Ça, pour moi, le message, je voulais dire ça aussi, mais il n'est pas pour dire Pacioretty n'a pas fait sa job. Mais elle veut dire je suis très déçu de l'effort qui a été donné de mes joueurs. Ou de la constance. Un coach l'a fait souvent pendant dans ma tête, la manière que je le comprends, c'est quand il parlait qu'il était déçu, ça veut dire ça aussi. C'est bullshit, là, ça. Ouais, mais dans la conférence de presse, c'était pas ici. C'est pas grave. Non, je sais, mais tu sais, c'est. Politicien, là, à un moment donné, ça va faire. Là. Ça donne rien. Non, tu nous prends-tu pour des épées? C'est à Montréal. Ça date on pas connaît d'hier. Tout le hockey ouais, ici. Mais ça date pas d'hier que tu vas voir le DG commencer à non, dire. Lui. Il l'a déjà fait pour prendre ses responsabilités. Puis il a déjà chié. Il a déjà dit que c'était sa faute l'année passée. Oui, puis il a déjà dit qu'il était pas content de l'équipe. Qu'il était pas content c'est des ça joueurs. Que comment tu peux dire que je suis content de l'effort de mon équipe? Non! Quand notre point négatif à nous autres autour de la table, c'est Chris, les gars se sont pas présentés tout le temps. Il n'y a pas eu l'effort. Mais c'est sûr qu'il est déçu de ça, mais il fait juste comme lire un texte. Là, ouais, mais pourquoi mais écris autre chose. Si tu as le temps de te préparer, écris quelque chose qui va c'est pas. C'est prendre le monde des câbles. Parce que là, j'ai. À Montréal. Dans un marché d'eau. Selon moi, là, plus tu réponds de même, plus tu sais ta corde autour de ton cou. Là, parce que. Ben, je pense pas que. Comment je pourrais dire ça, c'ti? Je pense pas qu'il prend le monde pour des cas, mais je pense que le monde prend trop pour du cash qu'il dit. Là, parce que c'est sûr que le gars, il est en crise. Pis c'est le gars qui est pas de représenter. Non, mais team, là, ça, on fait juste rire de lui. Là. C'est comme on sait tout que l'effort n'a pas été là. Non, je sais. C'est juste que là, c'est tout le monde qui écoute la conférence. Donald Beauchamp, regarde, tu vas expliquer ça de même. Dans le fond, comment tu te sens, OK? Mais dis-le de même pour pas faire de mal. Je pense pas que je suis des notes. Non, pas la même. C'est sûr que les gars sont briefés avant. Pas Bergevin. Je pense pas qu'il est capable de suivre. Je pense que oui. Moi, je pense que c'est plus Bergevin qui briefe les gars que l'inverse. Non, Donald Beauchamp, il y a du pouvoir. Ouais, c'est communication. Il gère communication. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans... Tu peux pas savoir les questions. Qu'est-ce que ça leur donnerait de bâcher sur les joueurs ou sur l'effort de l'équipe? Les billets de saison sont vendus 8 ans d'avance. Ça, ils n'ont pas besoin de donner des comptes aux autres sans crise. Là, au bout le monde aimerait bien mieux que ce soit. Mais une chose qui est sûre, moi, j'aimerais ça qu'ils disent je suis pas content, on aurait dû passer. Puis ça n'a pas eu les. Non, il n'a pas dit ça. Il vient de dire l'inverse. Non, il y a une manière. C'est pas notre fond, on a joué contre une bonne équipe. Ouais, mais c'est ça. Il y a 4 équipes sur le top 10 qui étaient éliminées. Ils commencent à nous dire. C'est normal. C'est quand même. Ils commencent à une bonne équipe. Non, mais c'est parce que ça, c'est le mec qui essaie de montrer le bon côté des choses. Mais non, il est déçu. Il est déçu. Tu peux pas dire, on a joué contre une bonne équipe. C'est toutes des bonnes équipes dans les playoffs. Ouais, c'est ça. On a pogné une bonne équipe. Ah, les playoffs, c'est une nouvelle saison. Une bonne équipe. No shit, on le sait tout, ça. C'est quoi les playoffs? On a joué contre une bonne équipe. On est supposé être une bonne équipe aussi. On a fini dans les tops cette année. C'est ça, mais tu sais, depuis qu'on suit le hockey, les conférences de presse en post-mortem, ça a toujours été dans ce style. Ouais, mais je sais pas. Non, l'année passée. Généralement, l'année passée, c'était différent. Tu avais été déçu. Ben, c'est ça, tu n'avais pas le choix, tu faisais pas les playoffs. Mais des autres années d'avant, quand c'était pas lui, tu sais, mettons, on perdait en playoffs. Généralement, on se donnait au moins en playoff. Il y avait quelque chose qui se passait. Cette année, il ne s'est rien passé. Non, mais. Tu peux pas dire que tout va bien. Mettons qu'on recule en arrière, première fois qu'on fait un playoff sous l'air Bergevin contre des Sénateurs. Là, en deuxième c'était ronde, pire. Non, c'était première ronde. Puis c'est là la fois où il y a eu 5 gars qui ont jeté les gants. Puis les 5 se sont fait casser ailleurs. C'est la première fois, ça. De quoi? La première fois qu'on a fait les playoffs, on s'est rendu en troisième ronde. Non, ça, c'était la deuxième année. Ça, c'est la première fois. La saison écourtée, là. Ah, ok, ouais. C'est encore l'ancienne équipe. Cette année, c'est sa vraie première fois avec son équipe. C'est vrai. Avec Woodis, si on veut, ouais. Parce que les premières fois, c'était l'équipe avec Gauthier. C'est ça. Puis là, vrai, contre Ottawa, là, Chris, c'est une performance qui était vraiment pire. Là. Puis en plus, on a fini premier encore cette année, puis on se fait sortir par Ottawa. Mais Alex a raison, c'est la transition. Là. C'était vraiment la demi-saison. C'est quand on a commencé le podcast, la soirée du podcast. Tu regardes la photo, c'est la poignée de main Bergevin avec Terrien. Ouais. Tu sais, Terrien qui allait backer jusqu'à la mort, là, qui n'est plus là en ce moment. Oui. Mais ça, c'est quelque chose. Ah. C'était pas planifié, ça. Mais c'est pour ça que. Mais c'est parce qu'il a tout mis ses chips. Moi je pense que la performance canadienne là, même si c'était pas tout à fait son équipe à 100%, elle est pire que. Puis même la conférence de presse, si ils écoutent un à côté de l'autre, c'est quasiment la même affaire. Ben, moi je trouve qu'avec la première année, puis là, ça s'en sent mal. On n'a pas progressé tant que ça. T'sais. Ouais, là, tu pouvais t'améliorer dans cette année-là. Là, on n'a rien, man. On a rien. On est bloqué de partout, genre. On peut pas. À moins de faire un méga gros trade qui se peut quasiment pas. Ben, c'est pour ça que je vais en parler un petit peu de mon avis là-dessus. Là, mais bref. On parlait à l'autre extrait audio qui est. Là, j'avais comme une affaire de Chucky en trois parties. J'ai gardé la partie 1 puis la partie 2-3 sera dans l'autre podcast pour mettre ça dans face à Mart. Ouais. Parce que là, c'est pour ça qu'on va garder pour Mart un peu plus Chucky, mais. On va quand même laisser Jeff commenter là-dessus. Fait que, extrait numéro 3 de Bergevin sur Chucky. Ouais, c'est certain que, honnêtement, on va se dire les vraies choses, qu'Alex a eu une saison pas à ses attentes, à lui personnellement, puis à aller au nôtre, c'est certain. Puis la Ligue nationale, c'est une très bonne ligue d'hockey, c'est la meilleure au monde. Puis cette ligue-là a une façon de t'exposer si tu deviens un... Parce qu'un joueur de centre, c'est probablement avec celle du gardien de but... Les positions les plus importantes, les plus difficiles. Alors, tu deviens que tu es exposé, la ligue va t'exposer, les bonnes équipes vont t'exposer, puis ça peut nuire à l'équipe. Puis, pour aider Alex, puis pour aider l'équipe, Claude a pris une décision, Michel à l'époque a pris une décision de le mettre à l'aile. Alors, pour ce qui est d'Alex, on a eu une bonne rencontre avec lui ce matin, puis il est au courant, puis il est conscient que les choses qu'il a à apprendre pour devenir ce joueur de centre qu'il lui espère, puis qu'on aimerait aussi. Alors, pour l'instant, au jour moment qu'on se parle, pour l'avenir à court terme d'Alex, la meilleure place pour lui, pour aider l'équipe, c'est à l'aide. Puis Julien n'a pas dit le contraire aussi. Mais. J'ai rien dit de ma faire. Ok. Je pensais qu'il avait dit qu'il mais ce que j'aime pas, c'est que lui, encore Chucky, encore aujourd'hui, aspire à être un centre. À un moment donné, réveille le kid. T'es pas un centre, c'est fini. Ben, je pense que là, le message a quand même été assez clair. Ouais, mais gars, il vient de le dire. C'est ce qu'eux autres, ils souhaiteraient, mais. Qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne pour toi, pour devenir un centre? Il sait qu'est-ce qu'il a à faire. It's too late. Mais pour l'instant, on va mettre à l'aide. Arrêtez de jouer à ça. Peut-être un allié, ça finit là. Mais je pense que c'est là qu'ils en sont. Parce que même Claude, tu sais, dans le fond, là, il y a eu Michel Terrien. On a chialé sur Michel, ah, tu niaises. Puis Claude Julien fait la même fucking affaire. Fait que je pense pas que le problème, c'est de coach, je pense que c'est le jeune. Ouais, mais quoi, le jeune, quoi, il dit qu'il veut jouer au centre? C'est pourquoi non. Qu'il joue le même avec. Mais Chris décide, il fait longtemps qu'on veut. Mais la, ben, le gars, on s'entend que c'était sa position naturelle depuis qu'il joue au hockey au centre. Dans junior, man. Dans junior, il a joué au centre souvent. Non, et après, à la fin de son junior, t'es à l'aile. C'est ça, mais la première année. Mais junior... le coach du junior a dit, Chris, t'es pas un bon centre, je te mets à l'aile. Non, mais la première année, il était. Nous autres, on va leur mettre au centre. Faudrait que je te fasse écouter l'entrevue que Bergevin a eue. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez, parce qu'il y a comme un programme double des Jays aujourd'hui, c'est rendu 4-0 pour l'autre équipe dans la deuxième. Tabarnak, qu'est-ce qu'on t'a à faire? C'est grand chelem puis le 4-0. Ils sont pas bons. En tout cas, whatever. Là, tu m'as fait chier. Excuse-moi. M'a te callé hâte tantôt, tu vas voir. L'entrevue que Bergevin a eue quand il a repêché Chucky en 2012, ça, c'était, mettons, dans les premiers mois que Bergevin est en poste. Il a carrément dit, ça, c'est le joueur de centre qui est impossible à aller chercher sur le marché. Là, on l'a notre joueur de centre. Fait qu'eux autres, dans leur tête, on l'a notre joueur de centre c'est numéro 1 des années venues. Il aurait dû le garder à l'aile. Eux autres, je comprends que le Canadien voulait le remettre au centre. C'était leur plan. Mais ils auraient dû abandonner. Puis ça aurait dû changer de plan. Je sais, mais ils ont été très, très, très patients. Peut-être un petit peu trop patients. Ça a tout mélangé le kid. Mais écoute. Mais c'est quoi le problème? C'est-tu qui est mélangé ou c'est parce qu'il travaille pas? C'est sûr que ça l'a mélangé. Non, moi, je pense que tu l'aides pas quand tu mets le centre à l'aile. Chucky, là, je pense que c'est un gars qui a juste aucun caractère. Il n'y a aucun caractère resté. Il se battre par sa blonde. Ben oui, il mange des tapes sa gueule par sa femme, que, par sa blonde, qui est genre 4 fois, 5 fois plus vieille qu'elle, que lui, je veux dire. Mais Chucky, tabarnak, le gars, il... Je suis vraiment déçu de lui, vraiment, là. C'est n'importe quoi. Je sais pas quoi faire avec, pour vrai. C'est difficile à savoir. Tu l'as tu leur signes 2 ans. Là, à cette heure, quand tu vas... Non, c'est pas vrai. Moi, je leur signerais 6 ans, 4,5 millions. Puis tu le trades après. C'est comme Patio, genre. Fuck yeah, man. Si, hey, si des blocs, tu le trades pas. Si des blocs, c'est okay. Fucking cheap. Mais là, à l'aile, c'est pas vrai. Mais là, c'est ça. Moi, je le signe de même. Ben là, ah ouais, là, t'as le gros contrat, t'es à l'aile. Ben, pas go. De gros contrat, mais si non, mais des blocs, si tu le cheap en esti. Puis t'as un bon contrat, puis c'est une bonne valeur d'échange. Yeah, parce que Chucky, dans le fond, là, c'est ça. Mettons, quand Bergevin va commencer à placer ses pions, puis dire, OK, ça va être l'équipe qu'on a. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour bouger cet été? Qu'est-ce qu'on améliore? Chucky, il est à l'aile. Il sera pas au centre. Fait que là, tu te retrouves avec Dano, Plekanec, Torrey Mitchell au centre cette année. Ouais, c'est ça tes joueurs de centre que t'as l'année prochaine. We're in fucking trouble. Ben oui, oui, oui, oui. Ça c'est sûr. Peu importe, on est dans la merde. T'as hot et tout, peut-être. S'il signe, s'il signe. Mais là, dans le fond, là, assurément, l'année prochaine, tu commences à ces trois-là. Ton centre numéro un, c'est mettons Dano parce qu'il a fini l'année là, Plekanec puis Torrey Mitchell. Après ça, t'as pas rien d'autre. Ben ça prend hot. Mettons, t'as McCarron parce qu'ils l'ont tagué comme joueur de centre. Ils vont le retourner à l'aile. Lui, tout c'est un autre. Il y a une esti trou, là, pareil. Là, ouais, même. On le garde. Ah, juste pour qu'il joue dans les Shreds, Chucky a fucké le plan de Bergevin. Là, si on s'entend là-dessus, eux autres, leur plan, c'était de le mettre là. L'année passée, il a fini bien, puis on lui a dit, hey, le kid, tu vas être notre centre numéro 1. Yes, sir, t'es prêt. Je l'ai même dit. Ouais, après des années que j'ai dit qu'il n'est pas prêt. Il s'est blessé, après ça, puis là, mort. Ça a tout fucké. Puis t'as rien quand, mettons, la première fois qu'il l'a tassé du centre, puis il l'a mis à l'aile, il a dit, on l'a remis au centre trop rapidement parce qu'il y a de la misère à reprendre son rythme. C'était ça la raison qu'il avait donnée. Après ça, on l'a mis sur l'aile, après ça, sur le 3, après ça, on l'a remis sur le premier, après ça, descendu sur le 3, on l'a mis à l'aile au 4. J'ai une question pour toi, Alex. Quand que Chucky jouait au centre en début de saison, là, est-ce que tu trouvais qu'il te backait bien? C'était correct. Ou ça, on portait moins attention à ça parce qu'il produisait. Pas. C'est ça, c'était correct. Parce que défensivement, là, il est zéro puis une barre, ce gars-là. Pas, là. Il fait il rien, pas tabarnak. Il n'est pas ses défenseurs, il ne back pas assez. Lui, il attend d'avoir la rondelle pour faire le petit jeu puis aller scorer. Il n'est pas responsable. Ben, il joue comme un dans zone. Il faut qu'il soit creux dans la zone défensive aussi pour aider. Là. Quand ton défenseur, ouais, ça va dans le coin, il faut que tu aies en avant du net. Puis il ne fait pas. Il fait pas. Il allait dans le coin, lui aussi. Mon frère, il l'a dit, il est commencé par toutes les clips, c'est les bandes. Tout ce qui est affiché, c'est comme une petite chaîne. Puis le pire, c'est que ton frère, il a raison, malheureusement. Puis aussi, bon, là, il l'a peut-être dit trop violemment, mon frère, parce qu'il était sous l'émotion. Ouais, mais ça, c'est j'ai la j'ai façon j'ai que nous autres, on s'exprime. On joue tout le monde. Fuck you. Puis Chucky, sur le power play, il gardait fucking trop longtemps la rondelle. Puis il s'est vraiment. Il faut qu'il soit à l'aile. Ouais. Ben, il est plus à l'aise à l'aile. Parce que Chucky, justement, là. Puis ça, c'est Chris Nyland qui l'a dit. Je sais pas comment il a eu l'information. C'était juste une analyse de sa part, là. Mais Chucky aime pas ça jouer au centre parce que ça lui donne beaucoup trop de responsabilités. Mais Chris, mettez-les pas au centre d'abord. Mais il veut jouer au centre, le kid. Il veut ou il veut pas? Non, il veut pas. Mais je suis sûr qu'il l'a demandé souvent. L'année passée, quand il était pas au centre. Il a demandé ça pour vrai. Ouais, je peux le mal. C'est parce que tu sais, tu le considères comme un jeune ou un vétéran aujourd'hui, là? C'est encore un jeune. Un mais... gars que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, OK, il a le droit de dire moi là, ma position, c'est là. Ouais. Puis Chucky. Tant qu'il est un RFA, moi je dis que t'es jeune. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Nchucky, il n'est pas en position. Tu sais, il n'a pas prouvé que tu devrais jouer au centre puis tu mérites ta place au centre. Oh non, je... À part la fin de l'année passée. On peut pas penser. That's it. C'est pas beaucoup de temps sur 5 ans qu'il a joué dans la ligue. Non, parce que. Chose qui est sûr, c'est que Nchucky a du talent. Il est capable d'exploiter son talent. C'est peut-être ça le problème. Là. C'est là qu'il rend. On dirait que quand il est bourré de talent, ce gars-là. C'est sûr. Mais quand il manque de confiance, son talent, il ne se force pas le cul. Mais comme un millénial, esti. Ce gars-là, là, il faut que tu y touches. Il faut que tu le flattes. Faut que tu touches le pénis. C'est flotte de prépuce un peu. Hey, mon petit gars, t'es capable. Puis si tu comptes un but, là, tu vas voir ton sac de poudre va t'attendre dans le vestiaire. Ah ouais, vas-y. On s'attend à Michel, c'est pas le meilleur gars pour féliciter les joueurs. Mais non, t'sais. Il y avait Julien à peine plus. Plat de poulet, c'est clair. Là. Puis Julien, il est mieux, mais c'est juste que. Julien, écoute, tu te vois comme ça. Carl Chenioc, là, sa confiance est à terre. Puis. Ah, justement, ça, là, sur Chucky, ouais, il y avait un autre audio. Là, vas-y. Ok, ben, on peut aller avec l'autre audio, puis je vais finir sur ce que je disais. L'audio, c'est les skills, puis je pense que c'est par rapport aux skills justement de Carl Chenioc. Dans le monde idéal, oui, c'est certain que. Écoute. Ça prend des skills, t'as besoin des skills, mais t'as besoin d'un commitment. Puis, il y a un problème. Dans les séries éliminatoires, là, il y a, pour avoir du succès, t'as besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de blagues. Hein? T'as besoin d'un bounce de temps en temps, quelque chose qui va ta façon à toi. Puis dans ces séries-là, je peux pas enlever. T'sais, on a nos lancers au but, on a possession de rondelles, on était tous en avant des Rangers, c'est qu'on a rencontré un gardien qui était le meilleur joueur de son équipe. Alors, safe pour Saint-Lich, peut-être de 9-44. Hein? Écoute, s'il continue comme ça, il y a des chances qu'il gagne une autre série. Alors, je veux pas chambarder tout au complet à cause d'une situation. On évalue, on voit pourquoi on n'a pas eu de succès. On va dire qu'il peut améliorer l'équipe. On va s'ajuster et on va faire des ajustements nécessaires. Mais là, à tout changer, tout virer en l'envers, je suis pas prêt à faire ça parce qu'on a un bon noyau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là. Mais tu ne verras pas en l'envers, mais quand le monde même. Qui parle de construction, là. Oh, yeah. Non, la reconstruction, elle aurait dû être faite quand il est arrivé Bergevin ou un petit peu avant même. Quand il est arrivé, parce que là, il était chanceux, il commençait avec Kalchina comme premier choix. Là, on est pris qu'un team average pour 10 ans. Il a signé son bois mort à long terme à ce temps-là. Ben là, il y en a de moins en moins, mais tu sais. Non, mais dans ce temps-là, si on recule, mettons juste une petite parenthèse par rapport à ça. Ouais. Dans ce temps-là, il a signé Travis Moran à long terme. C'est son premier contrat qu'il a donné à 4 ans. Il a signé. Non, Plekanec était déjà signé par contre, mais tu sais, il l'a gardé. Dernier, il a signé un contrat de 4 ans. Il a tout gardé le noyau de joueurs, mettons le noyau de vétérans, il l'a gardé et puis il a juste comme ajouté des éléments aux alentours. Ah, ben il a bien fait. Non, mais il a réparé ses erreurs. C'est là qu'il débat, c'est que. Y a-tu bien fait ou il aurait dû comme repartir à zéro tout de suite? Ouais, mais je pense pas que on je peux faire pas, ça. On le sait pas de même. T'sais. Moi, j'ai peut-être été contre la reconstruction, puis je pense pas que c'est une possibilité ici dans le marché. Mais c'est quoi de bord qu'il faut faire? C'est pas un succès garanti. C'est pas un succès garanti. C'est comme qui dit, là, comme Kim qui dit, puis qui répète tout le temps. Ça passe par le repêchage, mais là, on a un autre problème. Mais le repêchage, nos jeunes montent pas. Non, mais ça, c'est un autre problème. Ils montent tout pas. Là, c'est là qu'il va falloir peut-être cette année commencer à regarder. Monsieur Timmons, je pense que c'est son dernier. Mais encore là, j'ai tu vas mettre qui à la place Rick Dudley avec ses cheveux à feutrine? Tu sais, pendant, je te dis, mettons qu'on recule en arrière, Timmons, ça fait un bout qui est là. Le temps de Guéné puis Gauthier, là, à toutes les fois, ils échangeaient des choix de deuxième ronde toutes les années. Puis même, une autre affaire qui est pire, Tenordé, ils ont changé leur choix de première ronde puis de deuxième ronde pour augmenter de 3 rangs pour repêcher Tenordé. Je sais, mais depuis 2009... Justement, on n'avait pas de choix de deuxième ronde depuis une crise de bout. Combien de joueurs... De 2009 à aujourd'hui, je joue la Ligue nationale. C'est ça, mais tu avais un choix de première ronde, puis tu tombais des fois, c'est troisième, quatrième ronde de suite. C'est ça, tu chaînes dans n'importe quelle équipe, tu as des choix de troisième, deuxième ronde qui jouent la Ligue nationale. Zéro. Ben, non, c'est pas vrai. Tu as le premier choix. Il y a Gatchenier Gallagher. Non, ça, Gallagher, c'était avant 2009. T'es sûr de ça, toi? Yes. C'était pas 2010? Non, Gallagher, c'est sous l'ancien... C'était sous l'ancien. Ah, toi, tu parles depuis que Bergevin est en poste? Ah, ben, ça parle pas avec Bergevin, mais depuis 2009, depuis c'est open ball, man. Y a rien. Y a rien qui a monté, qui est comme de valeur en ce moment. Rien. Les Canem. Donc, chanceux, tu sais. Gatchenok, c'était comme sûr, là, mais... Les autres sont où? Moi, je pense qu'il manquait de... Tu vois, Pasternak a été repêché 45e. Il est où, McDonald's? Ouais, mais si on pourrait dire une chose des 29 autres clubs. C'est pas grave, ouais, mais ils en ont tous. Les autres, on n'a pas personne. On n'a même pas des bons joueurs. Je pense pas qu'on a un problème de développement. Exactement. Ouais, mais je pense que le problème de développement, c'est le coaching staff qui est dans les SCAPS. C'est entre les deux. Je pense pas que moi, c'est là. Tu sais, le recrutement, ils sont pas si pires pour de vrai. OK, on repêche, je pense, bien. Ils sont à Saint-John, c'est correct. Toi, tu parles de l'équipe qui a des jeunes. Là, toi, tu parles de Martin Lapointe. Ouais. Là, là, quand il passe, c'est le temps d'aller dans la NHL. Là. Entre les deux, entre les Ice Cap et la NHL, c'est là le problème. Mais ça, OK, là, je comprends ce que tu dis. Je pensais que tu parlais de Timmins. Mais Timmins, c'est parce que, pour de vrai, il en laisse trop passer. Là. Ça va se régler cette année avec les Rockets. Sa meilleure année, c'était l'année qu'il a repêché McDonough, Subban puis Pacioretty. Ouais, ouais. T'enlèves la transaction de Gomez, là, probablement comme première paire, McDonough puis Subban qui peut faire facilement 15-20 ans. McDonough puis Subban, c'est une autre affaire, là. Là, regarde, ça nous a tués, puis ça nous fait mal encore aujourd'hui, McDonough. McDonough, je pense qu'il n'a même pas 27 ans. C'est le capitaine des Rangers, il a même pas 30 ans, il a 26-27. Là. Ouais. Ça fait mal. Mais c'est, non, on a c'est un problème dans la jeunesse, puis là, on est depleted. On n'a plus rien. On est à sec. L'appareil est fini. Ouais, je sais. Il nous reste deux audios encore, c'est on parlait des jeunes aussi, justement, tu dis qu'il n'y a plus rien. Là, je lance une petite flèche à Martin. je sais qu'il aime bien gros Nikita Sherbak, là, mais j'ai vu une stat cette semaine. Là, Il n'est pas prêt. T'sais-tu quoi? Nikita Sherbak a scoré 15 buts cette année dans la Ligue américaine. Jacob Delarose, il a compté plus de buts que lui. Ouais. Jacob Delarose qui crisse rien, là, que tout le monde a eu, puis qu'apparemment il pogne 10 minutes de pénalité par période, là, il a plus de buts que Nikita Sherbak. Puis Yann Denis a dit d'à peu près dans 2 ans, il va être prêt. Yann Denis? Qu'est-ce que Yann Denis a à voir comme commentaire? Ben, je sais pas, il passe à la radio. Yann Denis, le goaler, là? Pas, ouais. Attends, Marc ou Yann? Yann. Il passe à la radio, puis dit, je pense à un. L'ancien goaler, quand il a goalé, genre, 10 games en 6 ans. Mais il a joué avec. Il a joué avec Sherbak. Ah, c'est vrai, Chris, on l'avait signé. Il a un an ou deux. Ça commence à être long comme développement, ça, là. Ben non, en moyenne, un jeune, mettons, dans la Ligue américaine, il faut qu'il fasse 3 ans. Un attaquant? Ouais. Un attaquant, mais ouais. Ça dépend c'est qui, tu sais. Mais là, on va voir que le Rocket. Là, c'est first pick, Calis. Le club école va être pas mal plus proche, fait que la poudre va être plus disponible pour les jeunes. Voilà. C'est ça, mais ça a l'air qu'il n'y aura pas le droit d'assister au game du Canadien. Non? Non. Pour pas aller faire le gros party au Fly Gin. Au Fly Gin. Ouais, ça a l'air que. Il me reste deux extraits, puis pour aujourd'hui, c'est Claude Julien. On va parler de l'effort tantôt avec la question à Quentin que j'ai gardée pour JF, là, mais avant. Dans le fond, il va répondre par rapport à la question de ses adjoints parce que aujourd'hui, on a appris que. C'est aujourd'hui ou hier? C'était hier. Que Clément. Clément Jodoin a crissé son gars après genre 12 ans. Là. Le non, prof. C'est pas vrai parce qu'ils ont calculé les années qu'il a fait dans le temps qu'il était. Ça, les 5, le bonhomme. Ça va faire. En tout cas, il va parler de ses adjoints avec Claude. Ça va en Europe. Ben, moi, j'ai l'intention de les rencontrer demain. Je les rencontre aujourd'hui. Demain. Premièrement, j'aimerais savoir s'ils sont heureux. Écoutez, oui, c'est moi qui suis arrivé ici. C'est important pour eux d'être confortable, de travailler avec moi. Je ressens le fait que ça l'était. Mais je vais m'assurer que c'est le cas. Ensuite, je vais prendre les décisions à partir de ce moment-là. C'est comme du miel dans mes oreilles. Il n'y a rien à dire, mais. Tu le. Il était assis dans le noir. Mais ben c'est normal. Passé, on boys. Clément, je suis pas surpris qu'il s'en aille, honnêtement, là, parce que c'était un bon petit monsieur, puis il aime s'encourager les enfants pauvres en Europe. Il s'en va dans KHL, il fait ça toutes les années. Il ramasse d'argent aussi pour une équipe dans le besoin en Suisse, je pense, quelque chose de même. J'ai vu des vidéos sur YouTube, il y a son channel YouTube, le bonhomme, c'est assez surprenant. Ouais, puis quand tu l'écoutes, là, c'est clair que tu t'endors. Le gars, c'est lui qui donnait le, mettons, si on peut appeler ça un cours aux joueurs pour expliquer, mettons, le plan de match du club et comment l'autre équipe jouait. C'est lui qui faisait les présentations vidéo. Ouais. Il parle extrêmement mal l'anglais. Puis c'est sûr et certain que les joueurs, là, pendant les séances vidéo, là, ça connaît des clous. C'ti. Fait que non, ça prend un gars plus allumé puis beaucoup plus animé puis peut-être un qui va s'adapter aux mœurs d'aujourd'hui. Ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va rester. Un tram de mœurs. Mais peut-être Muller, s'il ne se fait pas offrir rien dans la ligue, va rester. Muller va rester. Mais c'est la maman à nous. Mais s'il se fait offrir un poste de coach quelque part, il va-tu rester quand même? Il ne reste plus grand place d'être disponible parce que tous les postes commencent à se combler. Parce que oui, je veux garder Muller. Il va rester. Ben, tu sais, il a signé un contrat béton, puis. Oui, mais il est à Montréal. Il est venu à Montréal parce qu'il est bien à Montréal. Je pense qu'il sait que c'est un assistant coach. C'est pas un coach, moi. Ben, s'il veut rester assistant coach, reste ici d'abord. Ça fait un bon contact, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Jean-Jacques Desnoux, que je pense que ce gars-là, il a fait fuck all. Puis Dan Lacroix, il est juste inutile. Ce gars-là, Chris, il fait juste rebobiner des cassettes. Ils vont tous partir, ce monde-là, d'après moi. Il va rester Muller. Pire avantage numérique quand c'est lui qui était responsable. Fuck, man, pas d'imagination. Fuck. C'est le gars qui rappelait galant en plus, imagine-tu. Daniel, il est temps qu'il parte. Je pense que la façon dont ça prend une nouvelle voie à défense. Fait tout le temps la même affaire. Daniel, c'est tout le temps la même affaire. Ouais. Puis le pire, c'est que quand on était chercher, on a dit que c'était lui l'architecte qui a amené McDonough au niveau qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un de faire du développement, il était bon là-dedans. On a besoin, justement. On t'a fait un poste en développement. Daniel. Dernière audio, c'est justement la question de Quentin par rapport au manque d'efforts de l'attaque. Là. On écoute ça. Moi, je veux la répondre, celle-là, parce que quand je dis qu'il faut faire le travail à l'attaque, on le fait, le travail. Oh. Malheureusement, on n'a pas marqué autant de buts qu'on aurait dû. Le travail. Mais les chances de marquer étaient nombreuses, beaucoup plus nombreuses que celles de New York. Oui, mais tu sais, ça, pas des bons ans. On a fait le travail. C'est difficile à dire, mais je l'ai dit tout de suite après la série. un gardien qui joue à la hauteur que Lundqvist a joué mérite le crédit des New York Rangers pour avoir été leur meilleur joueur. On a échoué, on le dit souvent. On est déçus parce que on se voyait gagner cette série-là. Mais ça reste quand même que Carey a joué du bon hockey. Il les a tous arrêtés, plus ou moins. L'autre, à l'autre bout, a joué au-delà de ses attentes. Ça, beaucoup au-delà de ses attentes. Puis je pense que si tu regardes son pourcentage d'arrêt durant la saison régulière, puis ce qui est arrivé d'une série, là, c'est un gardien totalement différent. Si on aurait marqué un but de plus, on serait peut-être pas dans la position qu'on est aujourd'hui, puis on parlerait certainement pas d'un manque d'attaque. C'est une série quand même serrée. Puis oui, il faut marquer plus de buts, on est conscient de ça, mais ça n'a pas été par le manque d'efforts puis le manque de chance. Je suis désolé, mais oui, c'est le manque d'efforts. Non, mais parce que s'il y avait eu un manque d'efforts, il n'y aurait pas eu de chance de marquer. Ça aurait été drabe au bout. Mais les gars, ils ont quand même essayé. Ouais, mais quand tu sais, du côté puis que tu n'as pas d'angle, c'est pas un shot. Ouais, mais c'est des joueurs, certains joueurs qui ont fait ça, mais c'est pas tous les joueurs qui ont fait ça. Ouais, je sais pas. Le quatrième trio ont fait des bonnes affaires. C'est d'être trop crédit à l'autre équipe. Tu trouves une excuse encore. Ben, c'est pas vraiment une excuse. L'effort était là. On s'entend que les chances de marquer, on en a eu. Tu sais, à un moment donné, si on aurait compté. Ça fait, égalité. Ils ont donné beaucoup plus d'efforts que les autres. Ça a été souvent à l'écart d'un but où c'était égalité. C'est genre, on n'a pas marqué le but pour prendre les devants. L'effort pour faire la différence, c'est New York qui l'ont fait. C'est eux autres qui ont poussé. C'est eux qui ont donné le coup de patin de plus. Mais non, mais c'est parce qu'eux autres, ils ont juste. Oui, récupération d'ondelle, mais je ne suis pas d'accord à dire. Il y en a eu de l'effort, c'est sûr qu'il y en a eu. Il n'y en a pas eu assez, c'est sûr qu'on dit. C'était pas soutenu, c'est surtout ça aussi. C'est juste qu'il n'y en a eu pas assez, je trouve qu'il y en a eu plus du côté des Rangers. Ça, c'est ma réponse. Fait que les deux ont à 100% d'effort, mais eux, ils ont fait 102. Mettez le volume à 11. ça fait le tour des audios là, pour ce demi-post-mortem. En fait, on fera l'autre batch d'audio dans 3 semaines avec le reste des gars. Des munitions. C'est ça, on va chialer un peu. Puis là, on va aller faire une petite entraque, puis on vient à 3e période, puis JF va nous donner, dans le fond, ses prédictions pour l'été et pour l'année prochaine, et probablement un call-out, j'imagine. Ah oui. Donc, petite pause et on vous revient. Donc, on est de retour pour la 3e période. Tromper. C'est la période qui sera dédiée à M. Jeff Mallette parce que c'est lui qui sera pas là au prochain post-mortem, donc j'appelle ça prédiction Mallette. Ouais. Fait que Jeff, je sais pas si t'avais. Prédiction Mallette. Si t'avais un pacing, avec le jingle. T'avais-tu quoi, tu voulais être comme un ordre ou. Non, pas vraiment, jouer avec le cœur. En fait, là, on veut savoir les travaux de Bergevin cet été, puis l'année prochaine, qu'est-ce que tu entrevois pour le Canadien de Montréal, puis on va t'envoyer chier pendant ce temps-là. C'est bon. Ben, dans le fond je me demande, c'est quoi que vous allez comme être en désaccord avec moi, là? Mais... tu sais, la saison de hockey, il y a eu des hauts et des bas. J'ai pas aimé la façon qu'on a joué vers la fin de l'ère terrien, là. Tu sais, c'est on voyait le même scénario que l'année passée où ce que c'était dégueulasse. Puis je me demandais... Oui. Là, c'est là que j'étais écœuré de Michel Therrien. Puis Michel Therrien, dans le fond, là, je te dirais que c'était pas lui mon premier choix au départ. Là. Moi, j'étais un des épais qui voulait avoir Roy comme coach là, à l'époque. Là. Puis j'étais déçu que Michel Therrien soit l'élu parce que c'était pas lui que je voulais avoir. J'étais comme... Puis finalement, mais tu sais, il a réussi à me montrer qu'il était capable de faire de quoi de bon, puis ça a bien été au départ. Puis même au début, ce que je souhaitais, c'est qu'on fasse une reconstruction au départ, parce que je disais, ah, Chris, on regarde ça à Gatchenyuk. Fait ah ouais, débarrasse Markov, débarrasse Plekanec, tout ça. Puis il l'a pas fait finalement. Mais c'est ça que je pensais au départ. Je me dis, allons chercher des choix. C'est super de faire là-dessus, c'est la reconstruction. Tu sais, notre reconstruction, là, dans le fond, on en a fait une. Ça, c'était à l'époque d'André Savard. Quand Réjean Hall a tout fucké, là, André Savard a commencé à échanger peanut, hein. Notre bois mort pour aller chercher des choix repêchage. Et puis, malheureusement, pour André Savard, il a fait un an et demi, puis c'est même lui qui a engagé Claude Julien en passant. Là. C'est quand que. Il n'a pas fait longtemps, lui, il était bon, c'est un bon déjeuner. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que Pierre Boivin. Ah ouais, Pierre Boivin. A décidé de prendre Bob Gainé puis de le crisser DG. Puis il a dit, toi, tu vas me bâtir un club gagnant pour gagner right now. Et c'est là qu'est venu le fameux. Plan quinquennal. Parce que dans le fond, leur but à eux autres, c'était de gagner à l'année du centenaire. Puis on s'entend que c'était comme la pire affaire qui est arrivée. Genre, c'était vraiment comme l'astimable. Ah ouais. Carbo, il est out. Martin s'en vient. Puis là, c'est un autre air noir qui a commencé. Là. Fait que Gainé a comme fucké tout ça. Parce que Bob Gainé, là, il a commencé à échanger tous ses choix de deuxième ronde depuis qu'il est là. Puis Gauthier a fait la même calisse d'affaires. Puis en plus, ils ont échangé McDonough pour Scott Gomez. Fait que... Ouais. Là, Bergevin a hérité d'un club de merde avec un noyau qui n'était pas hallucinant. Puis il a fait des affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de dire qu'on devrait reconstruire de A à Z parce qu'on a quand même des bons éléments. Si je calcule, mettons, défensivement, Weber, je suis content de l'avoir. Markov, je le re-signerais parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui peut prendre ses minutes présentement. Non, il est bon pour les jeunes qui s'en viennent défenseurs, je pense. Mais les spécialistes. Ah. Laisser une minute et demie sur l'avantage numérique. Ben, c'est ça que je me demandais. Tu le laisserais-tu avec Weber une saison en entier? Pas autant de minutes. Tu peux pas. Parce que... Faut qu'il descende en bas de 20 minutes. Pour descendre en bas de 20 minutes, il faut qu'il retourne sa deuxième paire. C'est possible parce que je parle... Ou il fait une alternative. Il va jouer ses avantages numériques. Mais pour ce faire, il faut que Bergevin trouve de quelqu'un qui soit capable de jouer les minutes pour jouer sa première paire. Présentement... Je sais que vous allez chialer, mais quand on dit qu'on a... C'est sûr que Bergevin va aller chercher un D. On a besoin. Oui, mais... clairement, on a vu C'est là que moi, je me demande... Il y a beaucoup de lacunes avec le club. Oui, ça prend un défenseur gaucher absolument mobile. Pour aider. Mobile. Dans le fond, parce que Weber, tu sais, c'est un stay-at-home defense puis qui est capable de donner un punch offensif. Mais ça prend un gars pour bouger à rondelle. Parce que vitesse, en échangeant Subban, tu as échangé un défenseur droitier pour un droitier, mais dans le fond, tu es comme resté pareil. Mobilité, par exemple. Non, tu as perdu ta mobilité. Fait transporter. Ça me prend un défenseur qui va transporter la rondelle dans la zone neutre. Pour avoir une belle transition. La zone neutre. La défense lui, à l'attaque. Souvent, il l'amenait jusqu'en offense direct. Ça le prend au moins la zone neutre. Ça, au moins, L'affaire qui fait que ça peut être pas si pire, mais on sait pas dans combien de temps, c'est que je pense que Sergachev va amener cet élément-là parce que Sergachev... Il est pas prêt. Il est pas prêt, mais c'est un des gars qui pourrait prendre cette place-là éventuellement. Mettons, peut-être d'ici que Markov prenne sa vraie retraite, tu sais. Sauf que là, il faut que tu améliores ta défensive, mais c'est quoi depuis le début de la conférence de presse puis tout ce que tout le monde dit, là, le gros problème, la grosse lacune du Canadien de Montréal? On marque pas assez de buts. Le top 6, c'est tout le temps ça à chaque crise d'année. C'est pas nécessairement le top 6. Le centre, oui. C'est notre ligne de centre qui est à chier depuis des années. J'ai entendu ça à la radio, je pense. On en parlait de ça genre en 2002. Ça fait longtemps. Là, c'est pour ça que ça fait 15 ans. Quand que Galchenyuk s'est joué à Montréal, là, c'était lui qui était supposé être notre joueur de centre. C'est comme ça qu'on le voyait. Puis c'est comme ça que le Canadien le voyait aussi. Je pense pas qu'il le voyait ailier quand il l'a repêché la journée même. Ouais. Fait, moi, Galchenyuk, je l'aimais bien gros. Puis je sais qu'on s'assinait souvent parce que toi, tu sais qu'il était pas prêt. Puis tout ça. Moi, j'étais un peu émotionnel quand je parlais de Galchenyuk parce que je voyais ce gars-là comme étant. C'était comme le gars qu'il nous fallait pour pouvoir aller à un autre niveau. Puis il m'a brisé le cœur, le petit calice. Ce gars-là, là, aujourd'hui, quand je le regarde, c'est un allié. J'avais raison. Là. Oui, t'as raison. T'as raison. J'ai quand même gagné le bet l'année passée. Mais là, tu perds ton centre numéro 1 que tu pensais avoir depuis 2012. Tu te retrouves à cause départ, Resti. T'as pas de joueur de centre. C'est pas la cause départ. C'est le même problème qu'on a toujours eu. Oui, mais c'est parce que dans le fond, la raison pour que je dis cause départ, c'est parce que Galchenyuk était supposé être là. Mais là, tu le mets. Là, c'est rendu un allié. Fait que là, Bergevin, lui, il n'a pas le choix. Faut que tu trouves un fucking joueur de centre. Puis le problème à l'heure actuelle, puis c'est ça que les journalistes comprennent rien, Il n'y en a pas, tabarnak. Il y en a. Ben, qui est disponible? Son RFA. Tavares? Son RFA. Qui? Il y en a disponible, mais Restricted Free Agent. C'est ça, mais tu sais, c'est quand la dernière fois tu as vu un DG faire un offer sheet. Do it. Il n'y en a pas un qui ferait ça, puis Bergevin, il n'y a pas un gars qui le ferait. Ils sont tout le temps fucking collés, puis les règlements sont là, puis ils veulent pas se faire ça entre eux. C'est comme une loi non écrite. Fallait. C'est ça, mais... Fallait, tu pourrais le faire à Tampa. Tu pourrais le faire pour Jonathan Drouin. Tu pourrais le faire au Capitol. Le pire, c'est que... Tu sais, quand Jonathan Drouin était disponible l'année passée, qu'il avait ça à la grève. Vas-y. L'offre que Bergevin voulait faire à Drouin, selon la spéculation, c'était one-on-one Drouin contre Galchenyuk. Puis Galchenyuk connaissait sa meilleure séquence de carrière l'année passée. Aujourd'hui, c'est facile à dire « Ah, si, j'aurais dû faire le move. » Ah non. Ben non, parce que moi, je crois qu'il va devenir bon, Galchenyuk. Si on l'échange, il va exploser ailleurs. Oui, oui. Mais ça, donne-y encore. Là. C'est pour ça que je dis signez-les 4 ans. Sauf que ou si 6 tu veux. Mettons que le offer sheet, là, ça marche pas parce que Bergevin, il est trop chicken pour le faire. Là, parce que je serais surpris qu'il le fasse parce qu'il n'y a personne qui le fait. Là, tu as besoin d'un joueur de centre. Puis si tu peux pas le chercher. Parce que dans le fond, comme joueur autonome, là, si un joueur de centre qu'on veut signer, là, le seul qui est disponible qui aurait, mettons, de l'allure, là, c'est Joel Thornton. Y a-t-il quelqu'un qui veut Joel Thornton à Montréal? Moi, juste à barbe carrée. Moi, j'aimerais bien ça. Le prendrais, j'aimerais, tout dépendant du prix, j'aimerais bien ça. Mais passe en estier encore, le vieux bonhomme. Le seul problème, c'est que ça va être une solution à court terme parce que le gars, il a comme 36-37 ans. Là, c'est... Mais c'est pas grave, ça donne la chance de te retourner ça, de part. Ça t'achète du temps. Ouais. Ça t'achète du temps. Mais encore là, il faut que tu rajeunisses à quatre parts. Puis là, le... Il faut que ça soit une transaction. Fait que c'est qui tu vas aller donner pour ça? Je te dis, c'est ça la réponse. Ben, moi, personnellement, mettons, si j'aurais un joueur que je voudrais aller chercher, là, c'est pas Matt Duchene. C'est pas de Schreitel, comme Tony Marinaro dit qu'il devrait aller chercher. Là. Je pense pas qu'Edmonton va laisser partir comme ça. Dry Saito, c'est un allemand, ça. C'est bizarre, ce nom-là, en plus. Le joueur que je vois dans ma soupe, puis qui est disponible présent parce que Tampa Bay sont à côté bien raide, sa masse salariale, malheureusement, puis que lui, il veut pas avoir de baisse de salaire, il va avoir ce qu'il mérite, c'est Jonathan Drouin. Ouais, mais il y a RFA. C'est justement, il est disponible parce qu'il y a RFA. Mais sauf que. L'arbitrage, puis tout. Mais ça, faisait une offre hostile. Non, mais d'après moi, s'il y a de quoi qui arrive, ils vont. Faut que le respect des DG, ils sont là pour gagner la coupe. Non, mais c'est une confrérie. Fait que ça me choque pas parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand les Flyers ont fait un offer sheet à Shea Weber dans le temps. C'est la dernière fois que c'est arrivé. Il n'y a plus jamais eu d'autres. Je sais, mais ça, on devrait le faire. Ramener ça. Non, je sais, mais il y a trop à chienne. Je veux pas l'avoir contre un échange, Jonathan Drouin. Je vais donner un choix de première, un choix de deuxième, un choix de troisième. Mais tout dépendant du montant que tu le sais. Ouais, mais mettons qu'il est à 7. Le pire, c'est que si tu le fais à Jonathan Drouin, Tampa Bay, c'est sûr qu'ils ne sont pas capables de coter parce que c'est son en mal. Tu le fais à 7 millions, ils ne sont pas capables de coter. Ben là, 7 millions. Do it. Tu vas-tu donner 7 millions à ben, Drouin? Non, je donnerais 7,5 à Kuznetsov. Le Kuznetsov. Kuznetsov, ouais. 7,5. Ça, c'est au Capitals. Capitals ont un les autres, ils sont en marde. Ouais, mais c'est ça. C'est, ouais. À 7,5, faut-tu sacrifier tes trois premiers choix cette année pour 7,5, ça? 7,5, ouais. Ben oui, puis... On se pêche pas bien, calice. Personnellement, j'en doute que ça. C'est sûr que, regarde, quand tu y penses, tu l'as ton centre numéro 1. Mais j'en doute que ça arrive, malheureusement. Puis l'autre possibilité qui arrive, si, mettons, il n'est pas capable de faire d'échange, puis il n'est pas capable de signer personne, là, faut que tu regardes à l'extérieur. Puis là, il y a un gars, apparemment, dans KHL, qui ferait l'affaire, c'est Vadim Tchepachev. C'est un des meilleurs joueurs de la KHL cette année. L'année passée, il était supposé venir à l'année nationale, mais finalement, il n'a pas pu parce qu'il n'a pas voulu briser son contrat. Là, cette année, il est disponible. Il va faire probablement un Radulov ou un Panarin de lui-même. Puis, d'après moi, ça serait la solution la plus réaliste pour Bergevin parce que je pense pas qu'il va être capable de closer pour Drouin. D'après moi, il va se faire shifter par un autre gars parce qu'il va avoir de meilleurs atouts pour aller chercher Drouin. Puis au niveau des joueurs autonomes, je pense que Thornton va probablement finir sa carrière à sa nausée, malheureusement. Ouais, moi aussi. Là, mais... Fait que on va voir ce qui va se passer, mais c'est sûr et certain, Bergevin veut faire de quoi. Il a dit qu'il ferait des ajustements. Il va-tu faire le gros trade? Ouais, on ne sait pas, c'est dur à dire. Va priorité, améliore ta ligne de centre. Puis le pire dans tout ça, c'est que moi, je souhaitais qu'on perde le salaire de Pekanet pour Vegas. Je pense pas que Vegas va chercher. Ouais, mais ça, on peut pas se permettre de le perdre, là. Moi, tout, j'espérais, tu sais, le 6 millions. Non, parce qu'il va être deux fois plus dans la merde. Là, après ça, we're really fucked. Il n'y a pas personne. Là, c'est là, on a qui, là? Là, on n'a plus de centre. Là, il manque le seul joueur de centre, peut-être, qui est plausible, ce serait Charles Hudon. Ouais. Ben, il n'y a pas aucune expérience dans la ligue, là. Lui, il est temps qu'on le monte, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Ben, probablement que l'année prochaine, il va avoir un spot pour lui, mais encore là, il faut qu'il fasse de quoi, là. Il doit une raison en esti pourquoi on a rappelé tous les autres joueurs sauf lui. Il a juste joué trois games. Le journaliste qui disait que c'était un mauvais coéquipier. Là. C'est Mathias Brunet, Brunet, à un moment donné, mange-moi le pain, Brunet, là. Ben oui, il devrait fermer sa gueule. Là, lui, c'est un partisan qui est frustré, puis il est en crise après le Canadien. Ça, c'est sûr. C'est comme ça parce que. Tu sais, journalistes qui sont comme full impartial aussi sur Twitter, là, puis que tu vois. Mais d'après moi, c'est parce que c'est la façon que. Tabarnak, des journalistes, là. Genre, ouais, mais il y en a qui ne cachent pas que c'est des fans du Canadien. Non, je sais, mais des fois, je trouve que la ligne est mince entre être journaliste et être partisan et dire de la crise de marde. Là. Ouais. T'as quand même une responsabilité, parce que c'est un autre débat. Là. Mais c'est pour ça que, d'après moi, s'il y a une priorité à faire, puis j'espère qu'il va le faire, ça va être de signer ou d'aller chercher un joueur de centre plutôt, là, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Puis à part de ça, quand tu regardes le reste, là, Radulov, est-ce qu'il va rester à Montréal? J'ai peur, mais j'ai comme l'impression que ce gars-là s'en va ailleurs. Là. Ah ouais, Chicago. Tu penses? Mais non, mais Chicago, il faut qu'il y ait les moyens de le payer, est-ce que? Mais là, dans le fond, il va tester le marché, mais il veut rester à Montréal. Mais il y aurait pas mal sûr qu'il va partir. Je pense qu'il va partir parce qu'il y a probablement une équipe qui va donner un peu plus de sous pour aller le chercher. Fait qu'il faut remplacer un gars comme Radulov aussi. Le parce que Chris, il a déménagé cette année, lui, là, du stock. Là. Il a bougé. C'est lui qui a relancé Patrick quand il était en panne sèche. Automatiquement, là, t'es dans la marde. Tu le perds en plus. T'as pas de centre, puis tu perds ton allié droit, ton meilleur allié droit que t'as dans ton club. Fait que t'es dans le caca, là. Mais... Non, mais c'est pour ça que Bergevin, cette année, était all-in. C'est was all-in. C'est son année. Ben, surtout vraiment... en échangeant Subban, qui était jeune, contre Weber, qui est plus vieux. Non, il était all-in. Il était all-in. Puis vraiment, là, ça a été... Il a vraiment, tu sais, il a pas réussi. C'est un échec, son plan. Mais c'est pour ça qu'il peut pas être satisfait de la job qui s'est passée en finissant. C'est pour ça qu'on est frustré de l'écouter, parce qu'il dit qu'il est satisfait. Ben, ça c'est ce qu'il va réserver aux médias, mais je pense pas que c'est ça qu'il pense. Tu sais qu'aux médias, il dit bien des affaires. Il a dit que Subban n'était pas échangé, pis c'est ça. Faut-tu dises ce que tu penses quand même. Là. La saison est finie. Faut-tu que tu fasses attention, parce qu'on a des journalistes. On a du monde. Quand je parle du monde des médias qui sont trop imbéciles. Quand il est là, il parle pas aux médias, il parle aux fans. Conférence de presse, ça, micro, je parle au journaliste. Le journaliste, il lui relaie. Ouais, mais qu'est-ce que lui, il doit aux quand fans? Quand il est en conférence de presse, ben, tout, il parle aux tabarnak. Tu joues pour les fans. Qu'est-ce qu'il doit aux fans? Il doit tout aux fans. Je sais, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il... Je pense que c'est comme ça qu'il le voit. Ben, il devrait le voir demain. Non, parce que est-ce qu'il va écouter un fan pour faire de quoi? Mais non. Il n'écoutera pas le journaliste non plus. Fait que quand il parle au journaliste, c'est comme s'il parlait aux fans directement. Il va faire à sa tête. Ouais, mais viens pas bullshiter que tu as trouvé que l'équipe a bien joué quand l'équipe a pas bien joué. Ça donne à rien de faire ça. Tu fais juste mettre le monde. Ben, les fans vont être en crise parce qu'on connaît leur. C'est pour ça qu'il faudrait définir qu'est-ce qu'il veut dire par bien joué. Ben non, là. Non, mais vraiment, parce que tu peux dire ça de plusieurs manières. La passe à 2 minutes 12, la troisième période de la deuxième game. Il y a un bon coup. La manière qu'il parlait dans la conférence de presse, qui disait il sortait des stats. Ça va être un gars, parce que c'est ça que ça sert, les stats avancées. C'est pour justifier. Au lieu de dire que le gars il est poche, oh non, mais gagne, ça c'est toutes des crises de CAF qui négocient un contrat. Le cœur, si ça ben, on pas ça. Des chances de marquer. On pas ça scoring sheet, le cœur. Des chances de marquer, là. Tu sais, mettons là, que t'en as 20 chances de marquer pendant une game, là. Sacrement, si t'as des gars qui sont capables de la coller dedans, là, ben, dans les chances de marquer, au moins, peut-être 50% du temps va rentrer dans le net, là, au lieu de shotter à côté ou faire comme. C'est beaucoup moins que ça, mais. C'est quoi le pourcentage, mettons, de chances de marquer pour une équipe qui est enviable? Pour qu'elle mette dedans. Mettons, sur 10 chances de marquer, combien de buts qui devraient rentrer en temps normal? Ils ont moins de 300, moins de 400. Non, ça, c'était possible. 10 mais... chances de marquer? 2, 3. Fait que 2 sur 10? Ouais. Fait que si sa moyenne, c'est 2 sur 10, nous autres, c'est peut-être 1 sur 10. Fait qu'il faut faire 3 fois plus de chances de marquer pour en mettre une dedans, là, quasiment. Parce qu'on manque de punch à l'attaque. Puis Bergevin, je pense qu'il va faire de quoi? Puis c'est sûr. On peut pas rien faire, c'est de le dire. Non, mais il va travailler fort, il va tout faire son possible. Puis l'affaire qui m'encourage un peu plus, c'est que là, il sort un peu de sa zone de confort parce que son équipe qui a bâti depuis 2012, c'est tout le temps la même gang. Là. C'est tout le temps ses mêmes chums. Ça. Michel Therrien, Marc Bergevin, main dans la main. Là, il est allé chercher Claude Julien. Claude Julien, c'est une tête différente qui va pouvoir amener une autre vision de ce que Bergevin y avait en tête depuis 2012. C'est une. Deux têtes en vaut mieux qu'une. C'est une expression qui existe, ça? Ouais. Fait que. Je pense que ça va aider. Ça va aider Bergevin à voir, tu sais, comme off the box, la perception de Julien pour dire, gars, on va faire ça. Ben, out of the box. Celle-là était pas bonne, d'ailleurs. Okay. Pour avoir une autre perception, parce que c'est sûr que Julien a fait son évaluation et dit, garde, lui, c'est le même. Non, c'est pas bon, ça. Tu sais qu'un coach va faire ça, un directeur général. Hein? Tu sais, tous les anciens coachs, j'allais la chercher. Non, mais je pense, tu sais, comme mettons Mike Babcock. On s'entend que Mike Babcock a son mot à dire. Là. Mais Julien, je pense que c'est un gars, une bonne tête de hockey, qui va sûrement avoir son mot à dire sur le travail à faire d'ici le début de la prochaine saison. On va peut-être faire des recommandations, mais. Mais je pense qu'ils vont travailler ensemble, d'après moi, oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la nouvelle NHL, les coachs participent un peu plus aux discussions que dans le temps. D'après moi, c'est ça qui va arriver. Puis après ça, on verra que le repêchage. Vegas, là, c'est quand ça va arriver, ça, là. Le pire, c'est que ma prédiction, je pense que c'est Charles Ludon qui s'en va à Vegas en passant. Là. Moi, on va se faire crasser. Ah, je suis sûr qu'on va se faire crasser. À moins qu'on échange un choix de deuxième ronde puis qu'on oblige Vegas de prendre un autre joueur. Ça peut être une autre possibilité, mais est-ce que Bergeron va sacrifier ses choix? Ils sont obligés d'en prendre un par équipe? Oui. Ils sont obligés d'en prendre un par équipe? Oui. Mais ils vont en avoir 30. C'est ça, après ça, ils vont pouvoir faire leur équipe puis peut-être prendre des joueurs aussi qui vont aller dans le club école. Ah, le club école. Mettons comme Charles Ludon, il n'a pas joué une game à Montréal, mais vu qu'il est à sa deuxième année de contrat, il a le droit d'être admissible. Okay. J'espère qu'on va le protéger. Ça va être à suivre, puis ça va être un été intéressant. Puis si Bergevin garde un statu quo et il ne calisse rien, ben, il va être sa chaise haute. La chaise haute, sur l'éjection. Le siège éjectable. Parce que c'est sûr que c'est ça. Là. Chris, il peut pas, mettons, arriver l'année prochaine, puis après ça, on connaît une saison correcte, puis on se fait sortir en première ronde encore. Il va devoir rendre des comptes, Bergevin. Ben, d'après moi, il est à corde raide, Bergevin, pour la prochaine année. C'est son année, été là, la plus importante qu'il va avoir cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Malheureusement, malgré lui, il se fait dire de l'amende parce qu'apparemment, on aurait dû garder Lars Eller. Là. J'ai lu ça dans le Journal de Montréal. Parce que là, il joue une bonne série. Regarde, c'est ça le monde du Journal de Montréal. Les journalistes, c'est des calistes. Non, je ne le lis pas, mais c'est quelqu'un qui a fallu qu'il me le dise après, juste pour me provoquer. Le gars qui fait la gypse, c'est d'Ardé, ça. Ouais. Puis c'est ça. Je suis optimiste parce que je vais laisser la chance au coureur. Je vais laisser à Bergevin. Là. Parce que l'année passée, là, j'étais en crise. J'étais dévasté. On a fait des playoffs, on est dans marre. Puis, il a bougé. Il a fait de quoi pour améliorer l'équipe. Qu'on le veut ou qu'on le veut pas, on a passé une équipe qui n'a pas fait des playoffs l'année passée à une équipe qui a connu une bonne saison puis qui a fait une première ronde. Fait qu'on s'est amélioré d'un côté quand on regarde ça de même. Puis l'autre côté que je serais aussi, c'est que Michel Therrien, c'est fini. Là, on va pouvoir recommencer à zéro avec Julien, puis il va pouvoir ramener son équipe aussi pour pouvoir implanter un système de jeu. Therrien, c'était pas un mauvais coach. C'était pas un mauvais coach, mais ça, je pensais plus. Fait que c'est important qu'on change un petit peu les choses. Tes chaussettes, quand ils puent, là, tu n'achètes d'autres. Fait que. Je les lave, tabarnak. C'est pour ça. Fait que là, c'est le fun de voir. J'ai fait un gros budget de bas chez eux. Jette son linge. Fait qu'on va pouvoir avoir une autre vision. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des affaires positives qui est arrivé cette année. Dano, je suis bien content parce qu'on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas donné. Byron, je serais curieux de voir si ça va continuer son affaire. Je pense que oui. Puis Lekkonen, Chris. Mais tu sais, c'est trop long. On est comme Marc 2 là aussi. Là. Pourquoi c'est pas correct, ça? C'était pas supposé que ces gars-là sortent de même. Non, c'est du bon scout. C'est professional scout. On chiale sur Bergevin, mais Chris, il a réussi à dénicher des joueurs pas chers parce que c'est juste ça qu'il peut faire. Il est meilleur. Le Canadien est meilleur dans professional scouting que du scouting ou du développement de recrues. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que là, c'est comme deux départements différents. Bergevin, il a gardé Timmons, puis Timmons a gardé son équipe, tandis que Bergevin, il a bâti son équipe de scouting pour, mettons, les joueurs actuels. Fait que c'est deux départements différents. Il y a un gars que je me débarrasserais, par contre, puis on n'en parle pas souvent, là. C'est le DG des Ice Caps. Là, tu t'en vas à Laval. Là. Larry Carrière, il est temps qu'il décollisse. Larry Carrière. Il est temps qu'il décollisse. Les Ice Caps sont en marne. Ils sont sur le bord de. Ils font face à l'élimination demain. Puis, ils ont fait des séries. Pour la première fois depuis 2012. Une date qu'on connaît, ça, 2012. Oui. Fait que d'après moi, là, Julien se doit aussi de mettre son nez dans l'affaire des Rockets de Laval. Je sais pas. À ce point-là. Parce que la méthode Bergevin, c'est que l'équipe du club école va pratiquer le même système de jeu que l'équipe du Canadien de Montréal pour que ce soit plus facile. Ça fait du sens, mais c'est normal. Sylvain Lefebvre, je penserais pas que c'est le même style que Claude Julien. Claude Julien, il a pas le style Therrien, fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. Peut-être qu'il va le garder puis il va le donner un an de plus parce que Bergevin, il trouve qu'il suce bien, mais c'est fini ce temps-là, d'après moi, pour Sylvain Lefebvre. Je pense que Mané, son temps est terminé. Ils n'ont pas le même rôle. Comme je te dis, là, ça, là, ces joueurs-là, veulent pas un farm team, là, c'est pas là pour gagner. C'est là, puis c'est pas. Ouais, mais ça l'aide. Ils sont là pour installer le système de jeu. Mais la transition entre les deux, ça fait pas bien chez les Canadiens. Ouais, mais ça fait pas dire que l'affaire fait pas une bonne job. C'est juste que ça. Je trouve pas ça normal qu'en 50 ans. Je pense pas qu'il y a autant de responsabilités sur l'affaire le coach là-bas. C'est tout le développement des joueurs autour de ça. Lui, il est là pour montrer le même système de jeu. Je pense pas qu'il aide vraiment à développer les joueurs. Mais il faut qu'il fasse un effort, pareil. Oui, oui, en fait. Là. Mais c'est tout alentour. Ce gars-là, faut qu'il faut qu'il travaille avec les lacunes du gars qu'il a déjà. Ben, que... Oui, mais il y a les autres gars. Il y a ses assistants coach, que eux autres, c'est le développement des défenseurs. Lui, c'est le développement. Mais c'est son lui, équipe au complet. Le tout. C'est ça, mais c'est l'équipe de coaching. Mais il y a beaucoup pareil. Moins de responsabilité. À Laval, ce qui est le fun, c'est que, mettons, là, que je sais pas, au Canadien, il joue pas pendant 5 jours, là, mettons. Là. Mais là, Stéphane Bois va pouvoir aller à Laval. Julien va pouvoir aller à Laval donner des conseils. Tu veux pas aux que gars. Benjamin soit le DG des Ice Caps là? Non, ah, c'est Larry Carrière, le DG des Ice Caps. Ah, et qui reste là c'est, ben, non, je l'essaie. J'essaierai autre chose. J'essaierai autre chose. Non, mais ça change rien. Non, mais c'est parce que c'est toujours plus facile d'apprendre dans un environnement gagnant que d'apprendre dans un environnement perdant. Ah, je sais pas, t'apprends tes défaites quand même là. Ouais, mais il faut t'apprendre à gagner aussi. C'est trop facile. Ouais, ben oui, mais. Ouais, regarde les Oilers, comment ils ont eu de la misère à apprendre à gagner. Ouais, non, mais ça, c'est pas pareil, là. Ouais, mais il n'y en a pas un qui a passé dans le farm team, là. Le farm team des Oilers. C'est les Oilers. C'est ce qu'ils ont tous joué dessus dans la ligue. Moi, je pense que c'est positif d'avoir un environnement gagnant que d'avoir un environnement perdant, puis que tu arrives à Montréal, puis que là, le coach a dit t'es pas assez bon, c'est-tu, puis t'es calice. Je sais pas. Je pense pas qu'il y a une grosse différence. T'es là pour apprendre à jouer au hockey, voir la vitesse, tout ça, pour pouvoir monter. Je sais, mais c'est toujours plus le fun quand tu gagnes. Tu peux très bien jouer dans la défaite. Quand tu fais du sport, t'as plus de fun quand tu gagnes que quand tu perds. Ils en perdent pas tout le temps, ils font juste pas ici. Ouais, ils ont pas fait des séries pendant 50 ans. Ils en ont perdu une bonne shot, par exemple. Là. On est ici pour apprendre. Une bonne shot. Fait que ça résume un peu ce que je pense. Y a-tu de l'espoir? Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Puis d'après moi, avoir un bon show repêchage parce que j'ai comme l'impression que ça a bougé pas mal. Parce qu'on n'a pas le choix d'avoir. Ben oui, parce que sinon, c'est pas compliqué. Pas Bergevin, il faut qu'il sauve sa job de côté. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ouais, il va travailler fort en tabarnak, en tout cas. Ouais, okay. Pour avoir échangé Subban contre Weber, là, il fallait qu'il y ait des couilles pour le faire. Puis il l'a fait. S'il aurait eu peur, il n'aurait pas bougé. Fait que d'après moi, Bergevin, il a pas peur de bouger. Puis il va travailler super fort pour trouver le gars qu'on a besoin pour relancer ce club-là à l'attaque. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. C'est juste ça qu'il dit tout le temps. Puis Chris, que je trouve qu'il le fait pas assez comme du monde. Non, mais il a fait cette année. Il a bougé pas mal. Il a bougé, puis tu sais, il faut tout le temps s'entendre qu'il y a une limite dans la ligue. Il n'y a pas plein de millions de gars disponibles. Tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu veux un centre numéro 1, mais tu vas payer avec des. C'est ça. C'est ça. Puis comme il l'a dit à Philippe Quentin, parce que Philippe Quentin a l'air d'un gars qui comprend très bien. C'est très facile. Faire des échanges puis tu sais faire des échanges. Changer Carey Price pour un premier. C'est pour ça, tu sais, Bergevin. C'est pas coup de tête de partir puis de faire n'importe quoi. Mais tu sais, mettons Matt Shane, il aurait pu aller le chercher, Matt Shane, s'il voulait. C'est juste que là, c'est quoi? Tu vas changer Sergachev puis tu vas te retrouver dans la marne encore, est-ce à défense parce que tu as donné un défenseur qui va jouer pendant 15-20 ans, est-ce au Colorado? Ouais. Fait que, on va voir, alors, ça va être à suivre. Ouais, j'ai hâte de voir cet été, ça va être intéressant. C'était le post-mortem de Jeff Mallette pendant que Jeff cherche son doigt. Sors le doigt de Jeff. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais là, je vais caller out deux joueurs du Canadien. Oh! Je pense juste ici. Ah ouais. C'est temps que ça revienne à la racine, ça, ces call out-là. Je vais commencer avec Alex Galchenyuk. Monsieur pas de couilles. Alex Galchenyuk, je t'aimais bien gros. Mais aujourd'hui, je te trouve poche. Pourquoi t'es de même? Pourquoi t'es pas bien dans ta tête? C'est-tu la drogue? T'es-tu affecté? C'est-tu parce que tu sors avec des femmes de 43 ans puis qui crisent des claques sa gueule parce que tu fais pas ton lit? Je le sais pas. Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas la première fois que tu manges une tape sa gueule. En 2013, quand t'as voulu croiser la fille du gars qui était plus gros que toi, là, il t'a-tu bien pogné sur l'œil? L'œil au beurre noir, tu t'en souviens-tu de ça? Ça a fait mal en tabarnak, hein? Puis il a fallu camoufler ça comme quoi t'as mangé une mise en échec ou quoi que ce soit. Tu te fais péter la gueule à ta deuxième année à Montréal. T'es déjà cocky, tu penses que t'es bon parce que tu comptes des buts à l'occasion, là. Échec numéro 1, manque de maturité. En plus de ça, quand il neige, esti, pis t'as un char à propulsion, tabarnak, là, change ta méthode de conduire, fonce pas, esti, ça déneigeuse, tabarnak. Il a fallu qu'on aille te chercher au poste de police parce que en plus, t'avais l'air d'une graine. Les policiers n'avaient pas confiance en toi, puis je pense qu'ils pensaient que t'étais sur des effets de quelque chose. C'est-tu de l'eau? C'est-tu de l'eau minérale? Je sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que t'as foncé sur une déneigeuse pendant qu'il neigeait. T'étais où, calice? Qu'est-ce que tu faisais là? T'habites à Brossard, pas à Montréal. C'est à Rue University. Fort probablement. Fait que Chucky, esti, je sais pas c'est quoi ton problème. Toi, là, t'as été élevé dans une famille où ce que ton père joue au hockey au Kazakhstan, là, pis t'as été élevé aux États-Unis, pis t'as fait ton junior au Canada, là. T'es peut-être un petit peu mêlé. Tes photos sur Instagram que tu montres que tu cours vite sur le treadmill, là, pis tu t'entraînes, pis tu lèves des roches pendant que tu fais ton épicerie, là. Tabarnak, esti. On s'en calisse de ça. C'est bien beau faire des vidéos Instagram, mais t'es pas The Rock, esti. T'es juste un joueur de hockey. Puis en passant, un joueur de hockey, pour être rapide, ça veut pas nécessairement dire qu'il faut que tu fasses du bench press, faut que t'aies des bras gros de même, esti. Faut que tu sois rapide, faut que tu sois solide. Tu fais même pas d'une hostie mise en échec, tabarnak. Je pense que tu sais pas comment faire, esti. Calisse, tu me fais chier. Toi, là, tu devrais commencer à te réveiller sacrément, puis moi, je pense que tes jours sont comptés. Si the clock is ticking, comme dirait Bergevin, là, mais ça continue pas de même, là, je t'avertis, tu vas le voir de près en sacrament, ça. Je te le dis, mon tagarin. Qui tasse à la gueule. Non, là, ça serait peut-être plus que ça. Je pense que je vais te lancer un crampon de souliers en métal, ça a gueule. Là. Juste un. Le pire, c'est que je risque de le pogner parce que j'ai peut-être un peu plus de bisous que toi. Fait Galchenyuk, you suck. Tu joues comme une graine. T'es en grosse partie responsable de cette année, t'as souhaité number one, t'as fini sa quatrième ligne. You fucking suck. Puis Yoli Kuyokinen qui demande des cours de mise en jeu, là. On s'entend-tu que Yokinen a moins de 40% dans toute sa carrière dans la nationale? Esti, c'est même pas une référence, tabarnak, puis c'est lui que tu vas le montrer. Parce qu'il te fait peut-être un rabais, puis il te fait des sandwichs pas de croûte, esti, quand t'as fini de pratiquer parce que t'as faim. Esti, voyons donc. T'habites avec ta mère, esti, puis ta maison pognée en feu, tabarnak. Qu'est-ce que tu faisais, calice? Des pogos, esti, puis t'as vu pendant une heure. Crise d'épée. L'autre crise de cave que j'ai, c'est ton chum Beaulieu. Je le savais. Il fallait. Galchenyuk et Beaulieu. Nathan. Le croque-mitaine. Nathan the Great. Toi, là, ton père, esti, t'as toujours dit t'es bon, t'es beau, t'es fin. Esti, Nate the Great, le gars qui se bat des tournois de baseball, de balle molle, des chevaliers de Colomb. Et oui, avec ton petit papa qui a perdu sa job parce que ton papa avait l'air d'une crise de cave puis a décidé d'en prendre une pour toi parce qu'il était sûr que t'aurais une belle carrière d'attaquant. Mais ben, mon petit Beaulieu, t'es un défenseur en passant, là. Toi, t'es pis des souliers de jogging en couleur saumon, là. Pis t'es tout le temps sur ton esticelle, pis tu constates comme étant un élément important pour le Canadien, là. Je sais pas si tu sais, mais t'as pas joué à la dernière game. Toi, t'es un problème aussi, sacrément. Un autre qui sort avec des femmes de 27-28 ans. Tu penses-tu vraiment qu'à terme, je suis sûr que tu fourres à peu près une fois ou trois mois, tabarnak, parce que ça calisse de toi. Elle s'aide de toi pour avoir des accès VIP d'un club à Montréal parce que ton nom, c'est Nathan Beaulieu, esti. Tu tiens avec du monde de fucking 30 ans, mais le monde s'en calisse. Il s'aide de toi, esti. T'as pas réalisé encore. T'es-tu un petit peu trop épais? Ça se peut-tu que quand on t'explique une pratique, tu comprends pas tout le temps à 100%? La gauche puis la droite, là, d'après moi, tu sais pas c'est quoi la différence, esti. En plus, là, tu manques de caractère. On essaie de te booster. Les gars, les vétérans, ils disent « Ah, t'as du talent, t'es capable, vas-y, t'es fort, mon esti. » Ben non, tu prends tout pour acquis. T'as toujours été bon dans le junior. Ben pourquoi je travaille dans le national? Je suis bon. T'es pas bon, tabarnak. T'es dans fucking Ligue nationale. T'as la chance de ta vie de faire carrière puis faire des millions, esti. T'aurais même pas été assez bon pour jouer dans l'ancien compte, sacrement. Parce que tu fais dur. Sacrement, Suzy. Beaulieu, Chucky, c'est fini. Tournons la page. Ah ouais, bon débarras, les jeunes qui n'ont aucun caractère. Pas Chucky. Chucky me déçoit, mais je pense que c'est peut-être l'élément à payer pour chercher notre joueur de centre, je crois. Il y a une valeur. Ça va se décider entre lui et Pacho. Mais Pacho, moi aussi, je t'en crisse après toi, là, mais ça, c'est une autre affaire. Il ne faut pas que je parle trop fort parce que je ne veux pas que tu pleures quand tu arrives à la maison parce qu'apparemment, tu es un gars fragile. Il appelle ça Bergevin l'avait dit en anglais. Mais il aussi. He's fragile. Calisse, Pacho. You're fragile. Qu'est-ce que c'est ça, Sty? Fragile. Quand tu meurs à Call of Duty, tu as de la peine puis tu pleures puis tu lances ta manette. Hey, rage quit. Le pire, c'est que je suis sûr que oui. Fait, fuck you, Chucky, Beaulieu, Pacho, je te donne une chance. Mais s'il vous plaît, les gars, là, faites quelque chose de votre vie, esti. Allez flipper des burgers ou quelque chose pour apprendre c'est quoi travailler, mais prenez pas pour acquis l'occasion que vous avez pour jouer à Montréal. Parce que présentement, vous êtes une fucking déception, puis vous êtes même pas des joueurs de premier plan. Puis avoir un rôle dans cette équipe-là, il faut travailler pour. Vous travaillez pas. Je pense que vous n'avez jamais travaillé de votre fucking vie, esti. C'est tout le temps votre mère qui attachait vos souliers, puis qui coupe votre steak, esti, rendu à la maison. Mais sacrément, les gars, réveillez-vous, calice. C'était excellent, c'est bon. Ça. C'est juste plate parce qu'ils vont pas. Si jamais ils l'écoutent, ils sauront même pas de quoi tu parles, à part une fois, you suck! Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, on s'entend qu'à des études de Beaulieu, tu rentres dans un bar, là. C'est pas le genre de gars que tu vas aller voir prendre une photo. Beaulieu, décolliste! Puis, tu pitches ta bière, ça gueule, voyons, non, you suck! You're not good! When's the last time you score goal? Tu sais, le gars qui est chaud douchebag, là. Puis, Beaulieu était comme. Tu sais, il va comme se couvrir, là, comme une graine. Jeff, passe-moi ton doigt. Ah, ok. Ouais, ouais, passe-moi le doigt. Il va me coller. Je vais le mettre, ouais. JF Mallette, OK? Là, là, l'année prochaine, tu vas acheter du gear du Canadien parce que cette année, hostie, on te reconnaît plus. T'es rentré dans le club de la soirée du podcast comme un hostie déchaîné qui criait après tout le monde. Puis que c'était tout de la merde, puis il n'y avait pas d'espoir. Puis cette année, tu nous as fait chier pendant une saison complète que, oh, il y a l'espoir, les gars, faut être positif. Tabarnak, puis la dernière match qu'on s'est fait sortir par les Rangers, là, tout d'un coup, c'était plus correct. Oh, Malin was back. Oh, si, là, là, c'est la marde. Pis là, là, ça va faire le positivisme. Le GF aussi, on n'en veut pas de ça à la soirée du podcast. On veut un gars qui crie après tout le monde. Mais c'est pour ça qu'à la force, pour me défendre, là, vu que moi, je suis là. Le doigt est comme humide en dedans, c'est bizarre. Ouais, j'ai eu chaud quand j'ai fait mon affaire. C'est comme un gars de hockey. C'est que si Bergevin ne fait pas la job cet été... Oh, l'année prochaine, il est revenu. Ah, oh, tabarnak. Là, je donne la chance parce que c'est pas facile, tu sais. OK, je ne donnerai pas de merde. Mais sacrement, s'il ne se passe rien, là, c'est sûr que je vais perdre patience, les, hostie, puis que je vais me faire faire de la pression. Nos fans sont chanceux qu'on n'expose pas le chat de la soirée du podcast parce que, hostie, qu'on se pogne tout le temps avec Jeff. On se pogne pas. Non, mais on se pogne. Non, mais on s'assine sur le hockey, mais ouais, Jeff, ouais. C'est pas grave, c'était une bonne game. Non, tabarnak! Non, mais c'est parce qu'il y a une différence. Ah, Chucky a bien fait des mises en échec, c'était bon. Il y en a zéro, non! Jamais... Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. J'extrapole pour dire un peu ce que ça avait de l'air. Non, c'est ça, puis garde, c'est sûr que moi, quand c'est playoff. C'est fait avec respect. J'ai fait une vidéo pour dire au monde. Ouais, regarde, t'as fait une vidéo avec ton neveu d'ailleurs qui était très très bonne. Oui, Samuel Lachaîne de. Allez voir Sports Addict. Oui, c'est son podcast de sport, puis il parle un petit peu de tout. C'est trop loin. Je suis prêt à aller un extrait. Ben, non. La on vidéo, a envoyé tellement de messages par jour. La vidéo que j'ai faite, mon mallette épique, là, pour le Canadien, ouais, c'est ça. J'avais dit au monde, encourageons le Canadien, puis après ça, on va tout être en crise tout en même temps si on se fait éliminer. C'est correct pour les games d'encourager, mais. Le positivisme que tu avais par rapport au game qui se passait en playoff, il y avait un mismatch. C'est là. Ça, mais d'après moi, ce qui est arrivé, c'est que je pense que Martin l'a pas très bien compris. Là. C'est que quand ouais, facile de blâmer un gars qui n'est pas là. À un, ben non, parce que je sais que je vais manger de la merde le 19 puis je vais l'écouter l'émission, je vais le savoir. Là. Je sais que les gars m'en veulent. Non, je sais qu'ils m'en veulent. Calisse, François, sérieux, man. On tombe. Tout le Canadien, ça se passe ici. Quand on perdait 1-0, c'était pas le temps de paniquer parce que il y avait encore de l'espoir. Oui, c'est vrai, chier, on a perdu une game, mais. OK, on va se reprendre la prochaine, puis on avait gagné, puis on a gagné le dimanche, puis après ça, whoop, on perdait par un but, fait que ça faisait chier. Moi, je l'ai cru jusqu'à la fin. Le moment que j'ai lancé la serviette, c'est quand Weber a fait son slap shot, puis Glonvis l'a arrêté. Après ça, je savais que c'était fini. Moi, j'ai arrêté d'y croire à la game quand c'était 2-2, puis qu'ils ont gagné la cinquième game. La manière que le Canadien a perdu, je fais non, c'est sûr qu'on gagnera même pas l'autre, là, c'est fini, je suis sûr, et certain, c'est fini. Parce que tu le vois un peu, là, l'attitude de l'équipe, tu sais, si les gars se lèvent pas. Ben, les gars se lèvent pas, c'est sûr. Ben, ils ont quand même commencé la game en force parce que c'est 1-0 pour nous autres qu'on y a. Mais après ça, un autre but, là, c'est fini, on s'écrase. Là, c'est là que tu vois que la confiance était fragile au bout. Puis là, ils ont perdu, ça fait chier. Là, je veux qu'on s'améliore, je veux qu'on aille chercher des joueurs. Mais c'est pas facile à faire. Fait que je donne la chance à Bergevin de faire ce qu'il peut faire le mieux. Puis après ça, on analysera l'équipe au mois de septembre pour voir si oui ou non on a un meilleur club ou mais pas. Bref, c'est du hockey, on est à Montréal, on est tous émotifs. Jeff, cette année, t'es comme un born again Christian. Là, il était comme dans le gros positif. Ah ouais. Je renais de mes sens. C'est quoi l'élément déclencheur pour ça? Quand c'est rasé les cheveux, c'est quoi ça? Non, ça, je l'ai fait avant. C'est quand Claude Julien est à Montréal. Là, je suis content parce que là, on va. Ah, je sais pas, t'étais. Ben. J'ai toujours été bandé Claude Julien. Parce que là, on a pogné le meilleur coach francophone. He could do no wrong. Il est très sur une astuce ballon, Claude Julien. C'est ça, il a fait. Non, puis je suis content. Puis c'est pour ça que je suis content. Puis j'ai confiance en Bergevin parce que je pense qu'il va, comme je disais tantôt, qu'il va l'amener à une autre vision. Puis que Bergevin va écouter son coach parce qu'aujourd'hui, c'est comme une tendance. Puis après ça, on verra. Puis je sais qu'il va aller sortir les autres entraîneurs. Il va. T'es-tu heureux? Oui, parfait, décalisse. On va lui demander. Il a besoin de s'entourer des hommes de confiance. Puis il a besoin de. D'amener une nouvelle voix dans le champ. L'année prochaine va être critique pour le Canadien, puis va être. C'est sûr, parce qu'ils vont avoir énormément de pression. L'année prochaine va dicter le futur pour le CH pour une couple d'années, je pense, de ce qui va. Cet été, plus l'année prochaine. Avec on va le voir... fait que Price devient joueur autonome, puis Pacho aussi, c'est deux joueurs importants. importante, guillemets. Là, qui ben, vont, ben, Price, oui. Pacho, oui, quand même. Mais aussi, Price, là, oui, mais Pacho. Price, plus important que Pacho. Ah oui, oui c'est là, ça. C'est, fait que c'est pour ça, mettons, si mettons, il faut garder un des deux, je garde Price avant Pacho, ben oui, là, malheureusement. Mais il faut garder Price. Ça, le visage de l'équipe pourrait changer drastiquement d'ici 2 ans. Puis l'année prochaine, je pense que si on veut faire de quoi, c'est le temps là. Là, faites de. Là. Faites de quoi? Parce que Tampa Bay va être encore meilleur. Toronto va s'améliorer. Les Oilers aussi. Ottawa avec Guy Boucher, d'après moi, ils vont toujours dans, être une dans équipe dans capable de se battre. Faut dans la division, les équipes... Sinon, on va être dans le bas de la division. Tout le monde, monde va être plus fort. Buffalo, je pense, avec un nouveau coach. Puis tout ça, je pense que... C'était compliqué un peu, mais tu sais, à un moment donné, il faut faire attention. J'ai parce que pas vraiment peur. Ben, à un moment donné, Buffalo va remonter la pente. On dit ça tout le temps, mais... Non, je sais, ben, tu sais. Pour de vrai, à chaque année, peut-être cette année, c'est leur année. Ah non. Mais ah ben. Il faut faire attention parce que, dans le fond, tu sais, tout le monde, même Boston, va peut-être essayer de faire de quoi. Ouais. Puis on finit sur un commentaire dans le chat. Il y a un gars qui dit Edmonton pour la Coupe. Et ce gars-là, c'est Matthew Sans Souci avec HBK. Donc, ça va être un fan de Shawn Michaels. Le Heartbreak Kid. Ouais, le Heartbreak Kid. Ça, c'est pas une idée que le Canadien se rende en finale de la Coupe. Shawn Michaels a plus de chances de gagner la Coupe que le Canadien cette année. Malheureusement, moi, je vais prendre pour. Changes-tu de team l'année prochaine ou cette année? Ou c'est... Pour qui tu prends? Vous prenez pour gagner qui, la coupe? Pour gagner la coupe. Ben, qui risque que les prédateurs, ça me déchirerait le cœur? Mais je pense. Moi aussi, j'ai comme. Moi, personnellement, s'ils gagnent la coupe, je m'en calisserais un peu parce que. Ah, quand... je serais tellement. Oh, mais ça me dérange pas. C'est pas non, un gars. Pis... Ah, je m'en mets dans la rue et je déchire mon t-shirt. C'est pas compliqué parce que tout le monde. C'est pas Piqué qui avait fait changer non, la. Non, mais quand même. Tu sais, ouais, content pour. Non, mais ça va faire comme Roy a gagné la coupe au Colorado, genre. Ben non, ben. Ça va faire mal un peu parce que dans le fond. Oh, ça va faire mal beaucoup. Quand Piqué va ramener la coupe aux Children, là, puis qu'il va la montrer avec son sûr, t-shirt et des. C'est sûr, ça va juste faire couler de l'encre encore par les crises d'imbéciles, tout à l'heure, Mathias Brunet. Puis le monde sur Twitter qui va continuer à dire ben, garde, je vous l'apprends en primeur, là, vous êtes présentement sur mute. Ah! Vous êtes présentement sur mute. Fait que tu peux dire ce que tu veux, je t'écouterai pas, je commenterai pas, je dirai pas rien, je vais même pas débattre avec toi. Ça me tente juste pas. Vous êtes l'énergie négative. Puis moi, je veux de l'énergie pas aussi pour l'été. L'été, c'est beau, il y a des fleurs, il y a de la couleur. Born again. Il y a des fleurs, de la couleur. Vous autres, le négatif, puis chercher tout le temps à faire de la merde. Ça m'intéresse pas, j'argumenterai pas avec vous. Ah, venez me parler de films, venez me parler de jeux vidéo. Mais je si vois plus Twitter. Si vous me parlez du Canadien en mal, puis de blablabla, mais moi, je vais faire rien. Ça va être trop petit point. Ma calice. Puis, c'est ça. Fait OK. Alors on verra pour la suite. Fait que tu vas arrêter d'aller chialer sur Twitter, sur nous autres dans le chat, qui chialent contre le CH, qui joue comme la merde, parce que Pacho se score pas, c'est ça? Non, pas vous autres. Vous autres, vous êtes mes chums. Non, moi je parle de, parce que tout le temps, c'est toi les mêmes qui vont tout le temps dire ah, ouais. Oh, Subban, si, Subban. You know ça, you are. Lui. Les fans dans le game. On est tous un peu émotifs. Puis quand Canadien est éliminé, on était tous en tabarnak. On voulait tous trader le club. Non, je sais, mais c'est la pour ça que... est tombée. Puis tu sais, c'est correct. Faut pas prendre des décisions. On couche ta caisse. J'étais pas content, moi aussi. Ben, c'est normal. Puis si je pars pour une équipe pour la Coupe cette année, je vais t'avouer honnêtement que depuis que le Canadien est éliminé, je n'écoute plus une game. C'est mon cas d'habitude. Puis là, moi, j'ai bien la misère à écouter du hockey. Non, puis c'est une équipe qui. Je regarde ça de loin. Je serais content qu'une équipe canadienne gagne parce que je trouve que la Coupe Stanley devrait être au Canada. Ouais, ouais. Ça serait bien. Mais personnellement, je m'en calisse comme dans l'an 40. Si Subban gagne la Coupe Stanley, good for him. Le monde va dire de la merde encore cette année, mais je vous écouterai même pas. Je vais être sur mute. Je m'en calisse. Si Ovechkin gagne la Coupe, je vais être content pour lui. Il va être temps. Ouais, ça va être les Preds du pour Capitals. Ça. Puis je vois sûrement. La seule façon que je vais suivre les playoffs, ça va être en lisant la presse parce que je suis un lecteur de la presse. C'est ça. C'est juste ça. Je veux juste plugger la presse. Et voilà. Voulez-vous nous commenter la presse? Le devoir? Si vous le faites, mettez Quentin Déhard. Fait que JF, bon été. Merci d'avoir été présent cette année encore. Puis d'avoir géré le contenu comme un chef, encore une fois, pour m'aider à m'enlever de la job, moi qui en gère trop de podcasts en même temps. Ça fait plaisir. Fait qu'on pourra t'entendre quand même si t'étais à la jasette. Là. Dans 2 semaines, on va faire 2 épisodes, toi puis moi. Fait qu'on aura un mois jusqu'au mois d'à peu près de juin, de fait. Là. Si Dieu le veut, repêchage, on va faire une émission spéciale. On va essayer de faire comme on l'a fait l'année passée. Si tu veux venir, Alex, t'es le bienvenu. On va essayer de mettre l'image. Tu vas checker le calendrier. On va mettre l'image dans le coin du repêchage pour rire des cheveux en feutrine de Rick Dudley. Là, ça risque d'être un show léger, mais ça va être assez plaisant pour tout le monde. Mais on va être un niveau 2.0. On essaie de Là, je vais pas avoir un dossier. dossiers, je vais en avoir 30 dossiers. Là. Ah, papier, let's go. Ah ouais, je vais faire des fichiers Excel puis tout. Là. Puis après ça, mais, une petite émission spéciale peut-être pour savoir ce que le Canadien va avoir de l'air après c'est le 1er juillet. Ou c'est des gros mouvements, on pourra en faire un dans l'été comme on a fait avec Subban puis Weber. C'est sûr, peut-être aller chercher des joueurs un peu plus épais, ça serait peut-être intéressant, mais on verra. Okay, à voir, fait que sinon, manquez pas, le dernier épisode de la saison sera le vendredi 19 mai à 20h avec, en fond, moi, Alex, Mart, Dave et peut-être mon frère, si Dieu le veut. Fait que, on se revoit dans 3 semaines. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao.